vous êtes assez fou. Pour l'écouter. Pour plus d'informations, visitez cifou.ca. Le plan d'aujourd'hui, assemblage requis. Jimmy Thibodeau nous éclairera sur les mythes de la gauche politique dans Gauchère Bif. Et Marc-Olivier Dumas enfilera sa plus belle mythe pour sa chronique sportive Sport et Flocher. C'est Dominique Mavungu dans Voix d'Afrique. Assemblage requis commence tout de suite. Assemblage requis. Pour toi aujourd'hui. Assemblage requis. Oui, oui, oui, oui, oui. Assemblage requis. Pour toi aujourd'hui. Assemblage requis. Oui, oui, oui, oui, oui. Assemblage requis. Bonjour et bienvenue à Assemblage requis en ce mardi 5 décembre 2017. On est à 143 jours de la fin de l'année scolaire. Je m'appelle Mathieu Plante. Et moi, Tania Baudin, on est en direct des studios de Cifou à Trois-Rivières. Mm-hmm. Là où présentement rien ne brûle. Ici, non. Il faut le dire. Ça Je pense qu'il faut le mentionner à nos auditeurs. Parce que si vous devez soit partir du centre-ville ou vous rendre au centre-ville ce matin, bien évitez du moins le coin de rue Radisson-Saint-Denis. Un peu. Ainsi que Bonaventure, La Violette, parce qu'il y a un grand périmètre de sécurité ce matin. Gros incendie à l'ancienne crémière des Trois-Rivières. Et aussi, si vous vous apprêtez à partir sur l'autoroute 40 ou que vous êtes près de Trois-Rivières sur l'autoroute 40, attendez-vous à avoir une épaisse fumée. Oui. Une visibilité quand même assez moindre parce que, bon, avec les vents ce matin, ça fait en sorte que le gros incendie du centre-ville obstrue un petit peu la vue sur l'autoroute 40 ce matin. Absolument, mais ça me donne faim pour de la crème brûlée. Je suis là pour ça, moi. Ben oui, évidemment. Par des gags inappropriés. Oui. Revenons à toi un petit peu, Tania. Hier, on a parlé en fin d'émission que tu avais perdu toutes tes possessions. Ouais. Ton portefeuille, ton téléphone dans un autobus en voyage pour les jeux de la communication. Exactement. Et là, on a de bonnes nouvelles. On a tout retrouvé. Tout retrouvé. Hey, t'es un petit peu chanceuse. Je suis chanceuse, mais je savais que j'avais tout laissé dans l'autobus. Donc, je savais qu'à un certain point, malgré le fait qu'à un moment, on m'ait dit que c'était pas à l'intérieur de l'autobus, ça devait être à l'intérieur de l'autobus. Deux personnes différentes pour le portefeuille. Et pour le téléphone, c'est bien ça? Même compagnie d'autobus, en fait, c'est la différence, c'est le chauffeur versus la compagnie directe qui a vérifié. Ah, OK. Ouais, je tiens à remercier la compagnie, merci beaucoup. Oui. De m'avoir contacté si rapidement, d'avoir trouvé mon portefeuille et mon cellulaire. Vous allez peut-être aussi être chanceux comme Tania un jour. Peut-être. Faut garder l'espoir, c'est ce que ça veut dire, parce qu'il était vraiment désespéré. Ben, mettons qu'à un certain moment, quand tu t'attends à devoir annuler un petit peu toute ta vie, c'est pas tant le fun. Ouais. Mais là, ça va être de réactiver tout. Ouais, parce que t'as fait annuler toutes tes cartes et tes comptes. C'est ça. C'est le fun, la vie, hein? Ah, c'est merveilleux. On est avec toi. On adore ça, on merci. Aujourd'hui, à l'émission, on va voir Dominique Nodmavungu à 8h30 pour sa chronique Voix d'Afrique. Il va nous parler de tout ce qui se passe là-bas, que ce soit sur Instagram, sur la mode. Oui, ben oui. Les films, le sport. Mm-hmm. Comme ça, c'est à 8h30. Ensuite, à 9h, Jimmy Thibodeau et Gauchère Bévue nous déboulonnent les mythes de la gauche. Étant lui-même un gars de gauche, il parle contre son propre parti à 9h. Et puis, à 9h30, Sport et Filoché avec Marc-Olivier Dumas. On va parler bien sûr de tout ce qui est sport local, universitaire et ailleurs. Et après ça, on va aller même voir les Jeux olympiques. Oh oui! Les sports qui s'en viennent au début de 2018. Donc, c'est le plan d'émission d'aujourd'hui. En plus de ta chronique qui s'en vient, Tania's Gunnar Chetania, qu'est-ce que tu nous présentes aujourd'hui? Aujourd'hui, vous allez peut-être être surpris, mais on va discuter de fertilité. Alors, fertilité féminine et aussi masculine, messieurs, je ne vous ai pas oublié, non. Vous allez voir. On va discuter peut-être du fait que la fertilité, c'était une histoire de femme avant. Mm-hmm. Ça l'est peut-être moins aujourd'hui, vous allez voir. Oh, ça s'en vient tout à l'heure, mais avant ça, on va commencer avec son foutu palmarès. Et aujourd'hui, j'ai une chronique qui va peut-être t'intéresser. Espérons-le, on va essayer d'en savoir plus sur les Pères Noël de centre d'achat. Oh mon Dieu, on aime ça. Ok, oui. Oh, on aime ça. Mais avant ça, on dédie cette chanson aux gens de l'ancienne crèmerie ou qui habitent proche. Hein? Le ciel, en ce moment, il est noir. Mm-hmm. On va essayer ciel noir avec Si seulement. Assemblage requis. m'accompagner. Ciel noir et si seulement. C'est si bizarre. Il voulait être cute avec ça, hein? Ben oui. Si seul en parenthèse humain. C'est comme ça. Voilà. Habitat Assemblage Requis, maintenant c'est le moment de faire une liste. Hein? Voici son foutu palmarès. Jusqu'à ce que je tombe sur sa la chronique comptable, une liste sur un sujet plus ou moins précis. Aujourd'hui, c'est assez précis. On parle de Père Noël de centre d'achat. Quelque chose que Tania connaît bien. Oui. Étant donné que tu as joué les lutins. Oui, exactement. J'ai pas été un Père Noël de centre d'achat, ne vous inquiétez pas. Non, non. Mais oui, j'ai été une lutine. Une lutine, ça se dit ça? Oui, ça se dit. Le féminin. Exactement. Donc, il y en a qui se disent peut-être qu'être Père Noël dans un centre d'achat, c'est assez facile. Hein? Tu mets quelqu'un sur ta cuisse, il demande qu'est-ce que tu fais comme cadeau, puis tu dis bye bye là. Hein? C'est pas tant comme ça, non? Apparemment que c'est pas comme ça. C'est un petit peu plus. Il faut être passionné quand même. Et même qu'on dit qu'il n'y a pas de job plus difficile ou dans la vie qu'être Père Noël, le centre d'achat, nous dit un homme qui a travaillé dans le New Hampshire, qui est à sa 36e année comme Père Noël professionnel. Il dit qu'entre le Black Friday et le soir de Noël, la veille de Noël à 15h, il voit plus de 17 000 enfants. Mm-hmm. Et dépendant des villes, les grandeurs des villes, ça peut être deux fois ou même trois fois ça. C'est énorme. Donc, voici quelques petits faits selon mentalfloss.com et selon cet homme. Pour commencer, ils vont à l'université du Père Noël. On a déjà parlé de ça. Hein? Ouais. Y a une bonne chance, en tout cas aux États-Unis, qui sont allés à Santa University. C'est Noair Programs Corporation qui gère ça, une compagnie d'événements qui entraîne et distribue les Pères Noël dans 278 centres d'achat au pays. Malheureusement, ici, on n'a pas ça. On n'a pas ça, malheureusement. Donc, c'est juste une question d'apparence, je pense. Bref, c'est une question de curriculum vitae. Il faut qu'ils passent tout plein de vérifications de leur historique et passer par plusieurs entrevues. Une vraie barbe est requise pour eux, en tout cas ceux qui vont à ce collège. Et à chaque mois d'août, Noair amène sa Santa University à Arvada dans le Colorado où des centaines d'hommes se rassemblent pendant 4 jours d'entraînement pour tout savoir, éthiquement parlant, ce qu'un Père Noël doit faire, comment s'habiller, comment parler. On aime ça, j'adore ça, je veux aller visiter. Vous allez voir la petite vidéo sur ce... Je suis en train de la regarder. Santa University, on voit qu'il y a beaucoup d'hommes blancs à cheveux blancs. Ensuite, la règle numéro 1, qui est le numéro 2 de la liste, hein, toujours rester dans son personnage. Quand tu portes l'habit du Père Noël, tu dois te comporter comme le Père Noël en tout temps. Ce qui veut dire de ne jamais être de mauvaise humeur, jamais crier aux enfants, même si t'es vraiment frustré, c'est la chose à comprendre. Il faut tout le temps rester dans le personnage, ne jamais briser le lien de confiance avec les enfants. Hein? Pour certains Père Noël très professionnels, la barbe blanche va rester avec eux toute l'année. Donc, il représente quand même un petit peu l'image du Père Noël. Il faut faire attention, même si les gens savent pas que... Ou en fait, présument seulement que t'es le Père Noël quand t'as une barbe blanche. Faut quand même garder l'image. Robert Hildreth, Père Noël professionnel depuis 30 ans, dit qu'il ne boit jamais quand il sort souper avec sa femme, qui est Mère Noël, parce qu'il veut garder l'image pour les enfants. Wow! Par contre, il dit que ça a ses avantages de rester en Père Noël toute l'année. Par exemple, avoir des repas gratuits, ça arrive. Ça arrive. Mm-hmm. Ensuite, ils savent où sont les salles de bain secrètes du centre d'achat. Oh oui! Je ne savais pas qu'il y avait des salles de bain secrètes. J'imagine dans les corridors derrière, ça ressemble à ça. La plupart des salles d'achat ont des petits corridors secrets. Là. Ouais, ben ça, on savait qu'il y a des corridors secrets parce que, mettons, tu vas au restaurant, il n'y a aucune porte pour entrer dans le restaurant. Ouais, à part ça aussi. Complètement à l'autre bout, fait que j'imagine qu'il faut se promener de corridor en corridor. Exactement. C'est rempli de secrets, tout ça. Bref, les Père Noël disent qu'ils refusent d'aller aux salles de bain publiques si c'est... quelque chose qui est possible à éviter. Hein? Et quand t'es habillé en Père Noël, tu dois rester dans le personnage. Et c'est difficile de rester dans le personnage devant une urinoir. Mm-hmm. Donc, les Pères Noël ont des endroits précis à utiliser dans le centre d'achat. Sinon, ils vont improviser. Ils vont trouver la salle de bain la plus obscure et la plus privée. Hein? Ensuite, ils peuvent faire des échanges secrets. Si un Père Noël doit prendre sa pause dîner ou si son quart se termine, des fois, il y a un autre Père Noël qui va arriver sans que personne s'en rende compte. Dans les centres d'achat les plus occupés, il peut y avoir deux Pères Noël et on va essayer de les rendre le plus physiquement possible, physiquement similaire possible, oui, pour pas que ce soit évident qu'il y a eu un échange. On veut pas que quelqu'un dise « Mais c'est pas le Père Noël qui avait la tantôt! » Je dirais que j'ai jamais vu ça au Québec. Deux Pères Noël dans le même centre d'achat? Ouais. Même dans les grandes villes? Même. Ben là, s'il y a une pause, faut bien qu'il y ait une pause. C'est une pause. C'est marqué, ouais. Arrête donc. C'est dit que le Père Noël avait besoin d'une pause. Sur l'heure du midi aussi? Ouais. Ah, ouais. Sur l'heure du dîner, c'est marqué que le Père Noël est parti manger. C'est quasiment mieux de même. Ben, tu sais. Parce que j'avoue, il peut pas être là de 9 non. à 5. Non, non. C'est compréhensible. J'embarque dans cette façon-là. C'est pas une longue pause de dîner, faut se le dire. Mais c'est... Un biscuit au bar de lait. C'est hein, ça, exactement. Ça. Classique. Mais ça prend quand même un repos, là, ouais. Ben, tant mieux. Ouais. Tant mieux. Ils ont droit à un garde du corps. Selon M. Rosenquist, un des Pères Noël dont on a parlé tantôt, chaque Père Noël qui a été formé par l'Université des Pères Noël aux États-Unis a droit à un escorte quand il quitte le plateau, hein? Et c'est supposé décourager les foules de l'attaquer. Ils ont ça au Québec aussi? Oui. Tu vois, t'es là pour confirmer tout ce que je dis. Il y a une bonne façon et une mauvaise façon de bleacher ta barbe. Ah oui? Ouais. Il y a des Pères Noël, bien sûr, qui ont une barbe naturelle, hein? Oui. Tant mieux, chanceux. Mais dans d'autres cas, il faut bleacher ça, hein? Et on fait ça graduellement et avec un grand soin. Il faut que ce soit fait étape par étape. Si tu essaies de passer au blanc d'un coup sec, tu vas brûler tes cheveux, tes poils, hein? Mm. Et ça va devenir jaune et on sait comment c'est affreux. Des barbes jaunes, désolé pour ceux qui ont une barbe jaune. Les Pères Noël les plus intelligents vont commencer le processus de coloration ou de décoloration au mois d'octobre pour se préparer pour les fêtes. Ensuite, celui-là, tu me l'as déjà confirmé, ça paye quand même bien. Oui. L'Université des Pères Noël ne dit pas combien ils paient leurs acteurs, on parle de nowhere, mais selon Rosenquist, une position salariée, et ça peut varier par endroit, Ed Warkel, qui est président de Cherry Hill Photo, un autre distributeur de Pères Noël, dit que ces Pères Noël peuvent se faire dans les 5 chiffres pour seulement 6 semaines de travail. Et ensuite, la seniorité, donc comment on appelle ça, l'ancienneté en français, oui. Ça aide. Plus le Père Noël a de l'expérience sous sa ceinture, plus le chèque va être élevé. Donc on cherche de l'expérience, dit Rosenquist. Un vétéran de 18 ans dans le métier peut faire environ 30 000 $ US en une seule saison. Par comparaison d'une compagnie d'assurance, Insure.com, le vrai Père Noël, avec ce qu'il fait comme travail, se ferait environ 140 000 $ par année US s'il était compensé pour tout le travail qu'il fait, dont surveiller bien sûr l'usine de jouets, ben oui, évidemment, et piloter évidemment. Les rênes. Mm-hmm. Y en a qui connaissent le langage des signes. Oui. Ouais, donc Nowhere, encore une fois, l'Université des Pères Noël. Comme dans Miracle sur la 34e rue. Ah, c'est cute. Trop cute. Beaucoup trop cute. Est-ce que le langage des signes est le même en noir et blanc qu'en couleur? Ben, je parle pas de l'original. Ah, oh. Je parle du plus récent. Ah, ben, t'es supposé parler de l'original, c'est toujours le meilleur. Bref, ils peuvent leur enseigner le langage des signes américains pour communiquer avec les enfants sourds. On leur demande aussi d'apprendre l'espagnol de base, aux États-Unis bien sûr. On dit que la demande pour des Pères Noël de différentes races n'arrête pas de grandir avec le temps. Il y a beaucoup de marchés qui sont particulièrement hispanophones, donc avoir des Pères Noël bilingues, c'est très important. Ensuite, il y a un petit bonjour secret du Père Noël. On dit qu'en public, les Pères Noël se parlent en code à l'un l'autre pour montrer leur camaraderie, un peu comme les chauffeurs d'autobus quand ils passent devant l'autre. Hey, yo, man. Bref, hein? Si, et là, il y a une phrase ici. Je vais lui demander s'il a été gentil cette année, style de Père Noël à l'autre. Et là, ça, c'est quelque chose de clair. Ou si quelqu'un qui ressemble à un Père Noël répond au nom Brother in Red, tu sais que tu parles vraiment à un vrai Père Noël de centre d'achat. Un frère rouge. Ouais, Brother in Red. Bon. Ensuite, on dit qu'un ventre rond n'est pas requis. T'es pas obligé d'avoir un gros bedon. Non. On ne mesure pas les Pères Noël par leur taille, on les mesure par leur cœur. C'est vrai. Le programme donc d'entraînement inclut une session pour savoir comment manger correctement et éviter les risques pour la santé quand on est grosseur Père Noël, taille Père Noël. On parle de diabète, de maladie du cœur, etc. Si le Père Noël a besoin d'un plus gros ventre pour être convaincant, on peut simplement ajouter du padding. Hein? Mm-hmm. De la garniture. Certains Pères Noël portent aussi du maquillage pour garder leur peau bien colorée. Du numéro 30 rouge, qu'on dit pour les joues, et peut-être un petit peu sur le nez pour lui donner ce bon vieux look de Père Noël. Eh bien, oui. On doit éviter les condiments. Hein? Qu'est-ce que ça veut dire, là? Donc, s'il est Père Noël dans un centre d'achat ce jour-là, il va seulement manger des sandwichs et boire de l'eau. Les sandwichs sans ketchup ni moutarde, parce que sinon la barbe va se salir. Okay. Et personne veut un Père Noël avec une mauvaise haleine. Non, c'est vrai. Hein? Ou encore des taches de condiments partout. Donc, on se garde des petites menthes. C'est ce qu'on dit. Et même qu'on ajoute un petit quelque chose de plus, il y a un des Pères Noël qui a été interviewé pour l'article qui dit qu'il garde de l'huile pour la barbe. Oui. À odeur de peppermint. Ah, quelle bonne idée. C'est beau ça. Ensuite, ils doivent étudier. On parle bien sûr des étudiants de l'Université du Père Noël, Noël, aux États-Unis. Donc, une des choses qu'on doit avoir tout le temps en soi-même, c'est la culture qui va autour du Père Noël. Ben, okay. Pas juste nommer les reines. Les reines. Est-ce que t'es capable de nommer ça? Non. T'es pas capable en tant qu'ancien lutin? Ouais, mais moi, ma job, c'était pas de nommer les reines, là. Non, j'avoue, c'était être belle et tais-toi, c'est ça? C'était de faire sourire les enfants et d'arrêter de les faire pleurer. Ah, c'est cool. Moi, je les connais par cœur, hein. Tornade, danseur, furie, fringant, comète, cupidon. Ben oui, surtout devant toi. En espagnol, Vondi, Nazarin, Saltador, Juguetón, Cometa, Cominos, Ruero, Rapengo, Rodolfo. Ben oui, ben oui. Tout le monde connaît ça. Ben oui, franchement. Bref. On dit qu'on essaie de se tenir au courant de tous les films et émissions de télé où le Père Noël fait son apparition et mémoriser le scénario pour ne pas se faire prendre par surprise par un enfant qui demanderait « Hey, tu sais, dans l'épisode numéro 2 de la saison 4, c'est bon, hein, ça pourrait être difficile. Ouais. » On demande tout le temps des détails par rapport aux films chez les enfants, donc il faut faire attention à ça. Aussi, il faut connaître les derniers jouets, hein, si l'enfant demande un jouet parce qu'il faut dire « Ah oui, celui-là qui a blablabla. » Pas le choix. Et voilà, donc comme les dentistes et les médecins doivent connaître les journaux médicaux du moment, c'est la même chose pour le Père Noël. Si le Père Noël dit « Je vais demander à Madame Noël », ça veut dire qu'il veut pas répondre à la question. Les enfants disent des choses des fois sur le genou du Père Noël et même si t'étudies bien gros, hein, personne ne peut préparer le Père Noël à toutes les questions. Donc quand le Père Noël n'a pas de réponse, il va dire qu'il va blâmer ça sur Madame Noël. Hein, ou si quelque chose est questionnable, comme une question qu'il veut vraiment pas répondre, quelque chose qui serait indécent. Ah, je vais demander ça à Madame Noël. Mais fait plus que prendre le blâme, des fois, elle va aider les enfants à se sentir plus confortables. Donc, des fois, les enfants ont peur du gros bonhomme Père Noël. Hein, donc, ils ont besoin de quelqu'un qui ressemble à leur grand-mère. Hein? Donc, les enfants vont s'asseoir sur le genou de Mère Noël pour ensuite aller parler au Père Noël. Oh, ça arrive. C'est mignon. C'est rare qu'on voit Mère Noël, par exemple. Mais c'est quoi l'affaire? C'est quoi? C'est misogyne, ça? Ben non, c'est juste qu'elle est restée au Pôle Nord pour s'occuper des lutins. Ouais, elle pourrait s'engager quelqu'un d'autre quand même. Un contremaître de Noël. Non? Oh, mais c'est parce que si t'en engages deux, ça devient de plus en plus cher pour les centres d'achat. Non, j'avoue. Je sais pas, mais... J'avoue, mais en même temps, c'est juste 6 semaines. Hein? Ouais, mais en même temps, c'est pas tant misogyne de... Tu sais, ça a tout le temps été le Père Noël. Excuse-moi, c'est pas tant misogyne. La femme reste au Pôle Nord à faire manger. Hein? Pas misogyne, non, ça? C'est pas ce que j'ai dit. C'est pas ce que j'ai dit. Les lutins. Exactement. En leur faisant manger. Surveille les lutins. Mais le Père Noël, c'est le Père Noël. Là. J'aime. Ils ont pas le droit de faire de promesses, les Pères Noël de centre d'achat. Non, c'est vrai. Une des pires choses qu'un Père Noël peut faire, c'est de promettre à un enfant qu'il va avoir ce qu'il veut pour Noël. On se souvient de tous les films. Ouais, donc Noël, l'Université des Pères Noël, enseigne à ses Pères Noël de livrer un message d'espoir, mais de ne pas faire de garantie. Hein, le plus que tu peux faire, c'est de dire « je vais essayer ». Exactement. Je vais demander à Mère Noël. même si tu sais que les parents ont acheté ce cadeau-là. Mm-hmm. Non. Non. Ensuite, il déteste les photos avec des bébés qui pleurent. Oui. Ah. En fait, ça, c'est la job des lutins. Oui, hein? D'essayer de faire arrêter les enfants de pleurer. Est-ce que ça fonctionnait? Ça dépend les gars. Toi et ton grand amour pour les enfants. Des fois, tu fais juste comme prendre la photo pareil. C'est ça, pas le choix. Bref, pour une certaine raison, là, les parents aiment bien c'est prendre des photos avec le Père Noël et leurs enfants. Mais les Pères Noël n'aiment pas ben, ça des fois quand ils pleurent. Donc, c'est pas amusant pour le Père Noël. La meilleure façon d'éviter les cris et les enfants qui pleurent, c'est que les parents restent prêts à la place d'envoyer leur enfant derrière la porte et s'en aller. Donc, il faut donner la chance aux enfants de s'acclimater. On peut dire ça, hein, au Père Noël. Voilà. Ensuite, ils aimeraient ça que ce soit toi qui fasses le plus de travail possible. Donc, tout le temps, devoir amener les enfants, se lever pour aller chercher les enfants. On dit que ça peut faire mal aux genoux. Mm-hmm. Hein? Pendant 12 heures par jour, ça peut causer bien des douleurs au Père Noël. Donc, après leur quart de travail, les plus vieux Père Noël vont probablement retourner à la maison, mettre de la glace sur leurs genoux ou sinon mettre des trucs chauffants sur leur dos. Donc, c'est difficile pour eux. Et on dit, bon, j'imagine que c'est pour ça qu'ici, on a des lutins, hein? Mm-hmm. Pour amener les enfants, quand même simple. Et si tu veux donc aider ton Père Noël de centre d'achat local, tu pourrais l'aider en levant ton enfant pour le mettre sur sa cuisse. Mais c'est ça que les lutins font, c'est ça? Oui, exactement. C'est leur tâche. Mais ça dépend vraiment, parce que souvent, ça va être les parents qui vont les mettre eux-mêmes sur la cuisse du Père Noël. Tant mieux, c'est ça qu'ils veulent. Oui. Les Pères Noël. C'est ça. Voilà. OK. Et ils veulent pas que les lutins touchent aux enfants? Non. Eh bien, c'est misogyne. Ben, ça dépend des parents. Oui. C'est pas tous les Pères Noël qui sont capables de faire le célèbre ho-ho-ho. Non. Il y a des parents qui sont pas capables de faire ça. Mm-hmm. Ouais, c'est juste pas dans leur nature de le faire. Les préférences de jouets des enfants changent avec le temps. Hein, les vieux classiques ne changeront jamais. On veut tout le temps un petit camion de pompier, une poupée Barbie, peu importe. Mais les demandes pour des jouets qui sont spécifiques au genre ont descendu depuis les 2 à 3 dernières années. Il y a beaucoup de garçons qui vont demander les petits faux Easy Bake Oven et les filles qui vont demander des Lego. Il n'y a aucun problème avec ça. Ben non, c'est le fun. Tant mieux. Je suis content que les gens arrêtent sur ces affaires-là. Je comprends même pas l'utilité derrière ça. Oui. Donc voilà, une transition depuis les dernières années et c'est bien, tant mieux. Les professionnels ont une assurance. Est-ce que c'est vrai au Québec? Est-ce que tu sais si les Pères Noël ont une assurance? Je pourrais pas te dire. Ouais, tout ce que ça prend, c'est un enfant qui tombe à terre de son genou, du Père Noël. Oui, ça, oui, hein? Ça. Mais ça, je pense qu'au Québec, c'est le centre d'achat qui est assuré là-dessus. Good, tant mieux. Pas nécessairement le Père Noël direct. Ça pourrait valoir des milliers de dollars en dommages et intérêts. Hein, comme précaution, ils vont avoir... bon, aux États-Unis, ils disent leur propre assurance. Ici, on a peut-être les assurances des centres d'achat. Mais quand même, on dit aux États-Unis que chaque Père Noël a une assurance de responsabilité de 2 millions de dollars. Quand même. Il y a aussi le International Brotherhood of Real Bearded Santas, donc la confrérie internationale des Pères Noël avec de vraies barbes, qui aide à avoir un prix plus bas sur l'assurance parce que c'est une assurance de groupe. Ils disent que jusqu'à maintenant, ils ont jamais eu à l'utiliser, mais c'est toujours bien de l'avoir au cas où. Et le dernier fait, déjà quand même, je m'attendais, vu que c'est une longue liste, à ce que ça prenne bien plus de temps que ça, mais c'est une question de bien écouter être Père Noël de centre d'achat. C'est la chose la plus importante, selon un de ces Pères Noël-là, c'est de donner son oreille, de tendre son oreille à un enfant qui pourrait se sentir perdu dans la vie. Ben oui. Hein, donc ça pourrait être la meilleure chose qui va arriver à cet enfant-là pendant toute la journée, peut-être la semaine, le mois et l'année. Certains enfants demandent l'impossible, comme le retour d'un membre de la famille qui est mort, hein, ou la réunion entre leurs parents divorcés. Il y a des choses que le Père Noël ne peut pas faire. Mais évidemment, et là on parle des États-Unis, ils vont prier pour eux. Hein? Sinon, ils vont demander à Mère Noël, j'imagine. Une autre chose à leur dire, c'est que s'ils se souviennent de la personne est toujours dans leur cœur. Des trucs comme ça, classiques, clichés un petit peu. Il faut faire de la philosophie avec les enfants, disent-ils. Oui, ben hein? Oui. Une grosse expérience pour les enfants de voir le Père Noël. Hein, j'espère que vous avez bouché leurs oreilles pendant cette chronique-là, parce qu'on a tout révélé. J'espère! On a tout révélé. Voilà pour... oh boy, hein, tu verrais ça? De son foutu palmarès. Écoutons, je sais pas, est-ce qu'on est dû pour de la musique? Je pense ben que oui, certainement. Hein. On a le temps dans ce bloc-là. J'espère, Mathieu, que tu vas nous faire écouter une toune de Noël après avoir parlé du Père Noël. Est-ce que t'en as une en tête? Toi qui écoutes de la musique de Noël en permanence dans tes écouteurs, là, t'as sûrement une chanson. Je vais te dire... Dolly Parton, quelque chose? Wow, pourquoi pas, vas-y, avec du Dolly Parton. Est-ce que t'as une chanson de Noël Christmas Song? Hein? Comment ça s'appelle? I'd like to spend Christmas with Santa. I'd like to spend Christmas.

Vaseline avec la pièce Jugend à Assemblage Requis. Maintenant, versons un petit peu de gaz sur les flammes. Non, on peut pas faire de gag non, de non, feu. Non, non, non, non, pas de gag de feu, Mathieu. Voici ta gaz, gonna entertain you. C'était une petite Tania qui voulait être pro des médias. Fait qu'elle est allée à l'école et puis maintenant à l'école, c'est Tania. Ouais, Tania. Oui, Mathieu. Divertis-moi, s'il te plaît. On parle de fertilité et d'infertilité ce matin. Ah, justement, j'avais l'air d'avoir les couilles écrasées. Hey boy! Ben peut-être vont-elles se décroiser, je sais pas. Oui, désécraser. On parle d'infertilité féminine en commençant parce que on a découvert il y a quelques temps, cette année, une nouvelle cause de l'infertilité chez la femme. Et c'est quand même assez intéressant de voir que ça s'est fait au Québec. Donc, il y a un chercheur qui est Greg Fitzharris et certains de ses collègues du Centre de recherche du Centre hospitalier de l'Université de Montréal, c'est-à-dire le CRCHUM, qui ont observé pour la première fois un défaut qui est assez particulier dans les ovocytes de souris à l'aide de nouvelles techniques de microscopie. Qu'est-ce que ça veut dire tout ça? C'est qu'on a découvert un défaut dans la chorégraphie du partage des chromosomes dans les ovules lorsqu'il y a une division cellulaire. Mmh. Et ça serait en fait une des causes de l'infertilité féminine qui est liée à l'âge. Donc, les chercheurs québécois se sont vraiment penchés sur cette question-là et ce défaut se retrouverait également dans les ovocytes de femmes beaucoup plus âgées. Donc, les microtubules qui orchestrent, oui, la séparation des chromosomes. Lorsqu'on a une division, là, comme je le disais tout à l'heure, des cellules, c'est anormal. Ça arrive chez les femmes qui sont beaucoup plus âgées. Donc, en bref, au lieu de former une structure qui va se déployer de façon contrôlée et qui va être dite parfaitement symétrique, ce qu'on appelle le fuseau, eh bien, ça va faire en sorte que ça s'en va dans toutes les directions. C'est une dynamique d'alignement qui est un petit peu altéré. Donc, ça contribue en fait aux erreurs de séparation des chromosomes et ça représente une nouvelle explication à l'infertilité féminine qui est liée à l'âge. Parce qu'on le sait, bon, après un certain temps, les femmes ont plus de difficultés à pouvoir être fertiles et les humaines et les autres femelles mammifères naissent quand même avec un nombre déterminé de ces petites cellules-là qui sont les ovocytes qui restent en dormance dans les ovaires jusqu'à l'expulsion d'un seul ovule à chaque cycle menstruel. Pour ceux qui ne savent pas qu'est-ce que ça veut dire qu'à chaque cycle menstruel, on a justement ce petit nombre d'ovocytes qui vont être, je ne vais pas dire sécrétés, mais laissés à elles-mêmes et qui vont pouvoir faire en sorte qu'on va tomber enceinte. Mais tout ça, vers l'âge de 35 ans, chez la femme, ça diminue de façon très, très importante. C'est pourquoi on dit souvent aux femmes que vers l'âge de 30 ans, il faudrait vraiment commencer à se poser la question si on veut des enfants ou non. Il y en a certaines qui se posent la question bien avant ça. Pour d'autres, c'est un petit peu plus compliqué. Donc, vers l'âge de 35 ans, on le sait, c'est déterminant pour une femme de se dire est-ce que je fais soit geler mes ovaires ou qu'est-ce qui se passe de ce côté-là? Donc, 91% des femmes peuvent devenir enceintes à l'âge de 30 ans. C'est quand même un excellent chiffre. 77% à 35 ans et seulement 53% des femmes peuvent tomber enceintes à 40 ans. Wow. Donc, on a un écart d'âge de 5 ans, mais on a un écart de pourcentage qui est quand même assez énorme. C'est presque la moitié. Donc, il y a quand même ce questionnement-là à savoir, on le sait aujourd'hui, les femmes vont avoir tendance à avoir leurs enfants beaucoup plus tard aussi. Donc, est-ce que c'est pas une problématique? Bien, l'une des causes connues de l'infertilité féminine, en fait, c'est un défaut dans les ovules qui fait en sorte qu'il y a un nombre anormal de chromosomes. Ça, c'est malgré votre âge, peu importe ce qui arrive, ça va souvent être la cause la plus connue de votre infertilité. Ce qui fait en sorte que, comme on le disait, il y a un nombre anormal de chromosomes. C'est une réalité des plus fréquentes chez la femme. En tant que femme, en tant que fille, vous allez être mise au courant quand même assez tôt dans votre vie, vers l'âge de 16-17 ans approximativement, surtout dans les cours de biologie. On va commencer à vous expliquer ce que c'est l'infertilité féminine. Et ce qu'on s'est rendu compte, c'est que, oui, l'infertilité, c'est un mot qu'on attribue souvent, pas mal tout le temps à la cause féminine. Mm-hmm. Par contre, et là, j'ai pas terminé. On s'est rendu compte que ça va devenir bientôt aussi un problème masculin, messieurs. Je vais y arriver, mais on va terminer le cas des femmes avant et par la suite, on va sauter la clôture, on va aller de votre bord, OK? Donc, les travaux de ces chercheurs-là, qui sont l'équipe montréalaise, contredisent pas nécessairement l'idée que la cause la plus connue, c'est justement les défauts dans les ovules. Mais ce qu'on dit, c'est qu'il y a maintenant une nouvelle, un autre problème, c'est-à-dire les défauts dans les microtubules qui causent des fuseaux défectueux et qui contribuent également à un type particulier d'aneuploïdes. Donc, ça fait en sorte que justement, la femme, après un certain âge, ça va être beaucoup plus difficile pour vous de pouvoir tomber enceinte. Les microtubules, ce sont de minuscules petits éléments cylindriques qui s'organisent ensemble pour former un fuseau. C'est une petite machine biologique qui est quand même assez complexe, mais qui ressemble et qui trie les chromosomes au moment de la division cellulaire. Et c'est ça qui va les expédier aux deux extrémités de vos cellules filles dans un processus appelé la ségrégation chromosomique. Mmh. Donc, lorsque vous allez soit essayer de tomber enceinte ou soit que vous allez tomber enceinte malgré votre désir de vouloir peut-être pas tomber enceinte, c'est ça qui se passe en fait. C'est les microtubules qui vont faire en sorte que les éléments vont tous se suivre un avec l'autre. Et ce qu'on a réalisé au fil des années, c'est que ce sont ces petites microtubules-là que la plupart du temps sont défectueux. Ils vont faire en sorte que l'infertilité chez la femme va être beaucoup plus connue. Chez la souris, si on regarde les études qui ont été faites, il y a environ 50% des ovules de femelles plus âgées qui présentent un fuseau qui a une architecture et une dynamique qui est chaotique, c'est-à-dire que le rassemblement et la distribution des chromosomes se fait mal à cause de ces petites microtubules, oui. Et c'est surtout associé à l'âge. Donc, on le sait, on va essayer de travailler sur des nouveaux traitements parce que ce sont des nouvelles connaissances. Donc, ça pourrait quand même mener un jour à de nouveaux traitements de fertilité pour justement pouvoir aider les femmes à devenir enceintes et amener une grossesse à terme malgré leur âge. Et les chercheurs testent aussi actuellement des techniques de micro-intervention directement dans les ovules qui pourraient permettre de contrer le problème pour rajeunir les ovules. Donc, faire en sorte que votre système serait un petit peu trompé à ce niveau-là, faire en sorte que votre âge serait plus nécessairement une problématique, mais l'âge des ovules deviendrait un petit peu cet nouvel âge qu'on veut leur donner. Donc, c'est une solution de traitement qui prendrait quand même quelques années à mettre au point. On va y travailler. Si jamais ça vous intéresse de voir le travail et les détails de cette recherche-là, eh bien, ça a été publié dans la revue Current Biology et je vais me faire un plaisir de mettre ça sur la page Facebook d'Assemblage Requis. Sage, t'es sage. Ah, ça fait plaisir. Et aussi sur le site Internet, sachez-le. On a aussi une vidéo qui explique l'étude, donc pourquoi est-ce que la fertilité diminue avec l'âge. Si vous n'êtes pas trop certain ou certaine d'avoir compris ce que j'ai dit durant les 5 dernières minutes, bien, allez écouter ce petit vidéo-là. C'est très explicatif et c'est très intéressant aussi. Donc, comme on le disait, le problème de fertilité, c'est quelque chose qui a été associé aux femmes pendant très, très longtemps. Mm-hmm. C'est aussi quelque chose qui est... En tout cas, selon la cause de ce que je sais, ce que je connais de tout ça, c'est encore un problème qu'on associe aux femmes. C'est très, très rare qu'on va associer la fertilité ou l'infertilité à l'homme parce que c'est souvent la responsabilité, et là, je le mets bien entre guillemets, de la femme d'arriver à pouvoir tomber enceinte. je sais pas. Ouais. Mais présentement, ce qu'on se pose comme question, c'est est-ce qu'il y a un problème de fertilité masculine qui se pointe à l'horizon? Ça, on parle d'impuissance. Oui. Du côté d'infertilité, c'est de ne pas pouvoir tomber enceinte selon une problématique quelconque. Okay. Donc, s'il y en a un, si on voit un problème de fertilité ou d'infertilité masculine qui se pointe à l'horizon, c'est pas celui auquel on pense traditionnellement, qui est celui du déclin du sperme, mais plutôt un problème qui mettrait les hommes sur le même pied d'égalité que les femmes, sur le même sujet dont on vient de parler, c'est-à-dire l'âge. Ah bon? Eh bien oui, parce que plus précisément l'âge tardif, comme celui dans nos sociétés d'aujourd'hui qu'on connaît, eh bien, les couples choisissent présentement d'avoir leur premier enfant quand même assez tard. chose qu'on voyait pas nécessairement avant. Jusqu'ici, lorsqu'on abordait cette question-là, on parlait d'horloge biologique, eh bien, c'était un problème pour les femmes seulement. Mais il y a de plus en plus de chercheurs qui croient que les hommes sont tout autant concernés présentement, en 2017, par cette fameuse problématique-là. Si on regarde une étude qui a été faite en juillet dernier, eh bien, la revue Human Reproduction publiait une étude qui a été faite sur 185 personnes qui arrivait quand même à un chiffre alarmant, c'est-à-dire que le taux de sperme aurait chuté de 60 % en 40 ans dans les pays riches. Donc, on se dit qu'il y a un déclin de ce côté-là. C'est quelque chose qui n'est pas nécessairement inconnu. C'est pas la première fois qu'une étude a tiré des conclusions comme ça. C'est pas la première fois non plus qu'on a tiré la sonnette d'alarme à ce niveau-là. Mais il y a plusieurs de ces études précédentes-là qui ont été sujets à controverse. Ça veut dire qu'il y avait des échantillons qui étaient peut-être trop petits, c'est-à-dire qu'il n'y avait pas assez d'hommes qui avaient été étudiés. On avait centré aussi un nombre quand même assez limité de pays. Et une période de temps beaucoup trop courte. Donc, on a décidé de refaire certaines de ces études-là, mais quelle que soit la taille exacte du déclin, le fait qu'il y ait un déclin, ça, c'est pas remis en question. C'est là pareil. C'est sûr que l'étendue, la taille exacte du déclin, là, on l'aurait mise en question. Par contre, le problème même, lui, n'a jamais été remis en question, c'est-à-dire le fait qu'il y a un déclin chez les hommes aussi. Donc, les chercheurs ont essayé, pendant quand même assez longtemps, de spéculer sur les causes. C'est-à-dire, depuis les 20 dernières années, on a passé du tabac jusqu'aux pesticides en passant par les gènes pour pouvoir expliquer cette espèce de déclin-là chez les spermatozoïdes masculins, à savoir qu'est-ce qui se passait dans les 40 dernières années pour voir un déclin quand même de 60 % chez les hommes. Mais le problème serait en fait porteur d'un renversement de situation assez inédite. Les projecteurs pourraient cesser d'être dirigés uniquement sur la femme, comme je l'ai dit tout à l'heure, parce qu'on a décidé dans le New Scientist que le déclin rapide du spermatozoïde, c'est une opportunité pour dissiper l'idée que la fertilité est d'abord une question de femme. Donc, on a souvent parlé de ça. Et récemment, bien, une étude israélienne a porté sur 19 000 fécondations in vitro. Wow. Qui confirmait que l'âge de l'homme avait un impact qui est très mesurable aussi sur les chances du couple d'avoir un enfant. Donc, souvent, on a dit à la femme, avant 35 mm-hmm. ans, là, ce serait peut-être temps que tu te décides à... C'est ta job. C'est ta job. Pense-y. T'es gel-tu, tu fais quoi, là, tu sais? Mais on n'a jamais nécessairement pris le temps de considérer l'âge d'un homme aussi. Donc, en 2013, il y a une étude américaine qui avait fixé un seuil, c'est-à-dire la quantité et la qualité du sperme qui commencerait à se détériorer eux aussi après 35 ans. Donc, vous aussi, messieurs, l'âge exact à laquelle vous devriez commencer à vous poser des questions, c'est vers la mi-vingtaine jusqu'à début trentaine. Là, c'est pas mal la question que vous devriez vous demander. Est-ce que je freeze le tout? Est-ce que je mets tout ça sur la glace? Donc, c'est sans compter le fait qu'il soit possible que l'âge du père puisse, au même titre que l'âge de la mère, avoir un impact sur certains problèmes de santé du futur bébé. Parce qu'on a souvent dit à la femme, si vous tombez enceinte après 35 ans, ça se peut que votre bébé ait des complications considérant l'âge à laquelle vous allez avoir eu ou avoir justement travaillé sur ce bébé. Mais là, c'est plus juste une question de femme. C'est aussi une question d'homme. On va vous aussi commencer à vous sonner l'alarme, messieurs. Donc, le mot-clé, c'est possible. Parce que il se trouve que la recherche sur la fertilité masculine est très, très maigre. Elle n'est pas si connue que ça, comparativement à celle sur la fertilité féminine, bien évidemment, parce que, bon, c'est depuis des années et des années et des années qu'on en entend parler. C'est une réalité qui est soulignée de plus en plus, oui, mais ça reste quand même un petit peu maigre comme recherche comparativement à celle des femmes. Donc, ce qu'on s'est dit, c'est que plus tôt cette année, l'Organisation mondiale de la santé elle-même s'est penchée sur la question. On s'est dit, on se doit de se poser les mêmes questions qu'on s'est posées avec les femmes. Est-ce que l'âge vient justement contrer chez l'homme la possibilité de pouvoir être fertile à puissance maximale? Est-ce que ça ne va pas, là aussi, engendrer certaines problématiques chez le futur bébé? Donc, l'Organisation mondiale de la santé s'est posé la question. On va se poser de plus en plus la question. Et là aussi, on a un renversement de perspective qui pourrait se pointer à l'horizon. C'est-à-dire qu'on pourrait commencer à se poser pas mal plus de questions chez les hommes. Mmh. Parce qu'il y a combien d'hommes, quand même, et de gars qui se disent « Ben oui, moi je veux des enfants un jour, là, mais tu sais, je suis pas prêt à pas ça. » Là, c'est ouais. ça, pas là. Là je suis pas prêt à ça. Bien, messieurs, l'âge pour vous est aussi de 35 ans. Donc, on va vous mettre les mêmes questionnements qu'on a eu aux femmes et vous allez commencer à y penser vraiment plus souvent, vous allez voir. Mais on a parlé quand même du déclin du nombre de spermatozoïdes qui est quand même assez alarmant chez l'homme. C'est une des causes d'infertilité les plus connues. Donc, en 1973, un spermatozoïde qui parvenait à féconder une ovule avait battu, attention, 338 millions de compétiteurs pendant sa course. Bravo! En 2011, ça fait pas si longtemps, là, ça fait 6 ans, OK? En 2011, il était plus que 138 millions sur la ligne de départ. Hey, c'est la moitié, là. Ouais. Ça veut dire que, messieurs, vous produisez 50 % moins de spermatozoïdes. Mais ce qui est meilleur, non? Pas nécessairement, parce que ça veut aussi dire que vous avez peut-être moins de chances de pouvoir être fertile. Ouais. Donc, il y a une étude quand même assez inédite face à l'ampleur qui vient de montrer que le nombre de spermatozoïdes produits chez les hommes dans les produits industrialisés a chuté justement... Les pays comme... industrialisés. Oui, c'est ça que j'ai dit. T'as dit produits. Un pays industrialisé a chuté de 60 % en 40 ans. C'est un chiffre qui est énorme. Mmh. Et pour l'instant... Personne ne connaît la cause de ce déclin-là. On sait que c'est arrivé. On sait que vous en produisez moins. On sait qu'il y a des hommes qui sont de plus en plus infertiles. Mais on ne sait pas pourquoi. Donc, c'est un... On va se mettre... les gens vont sortir des théories du complot sur les téléphones dans les poches. Les enfants, c'est ça. Bien, en fait, c'est signe qu'il faut commencer à se poser des questions chez la fertilité masculine. C'est un signe d'alarme assez important, assez urgent aussi, parce qu'entre 73 et 2011, c'est un déclin de 52 % de la concentration des spermatozoïdes dans le sperme des hommes occidentaux. Et attention, 59 % du nombre total de spermatozoïdes produits. Donc, c'est vraiment, c'est énorme, là, mais on n'arrive pas à mettre la main sur le petit bobo, ouais. à savoir pourquoi. Et selon les études qu'on a vues, bien, il y a seulement les hommes occidentaux qui sont touchés. Donc, le déclin est observé. Ça touche surtout les hommes d'Europe, les hommes d'Amérique du Nord, d'Australie, de Nouvelle-Zélande, mais ça n'a pas encore été observé chez ceux d'Amérique du Sud, d'Asie, chez les hommes d'Afrique. Donc, les données qui concernent encore les hommes, qui alarment un petit peu les hommes, bien, justement, ces données-là étaient très nombreuses, ce qui rend les conclusions beaucoup plus difficiles. Parce que là, on se dit, OK, c'est juste les Occidentaux, qu'est-ce qui se passe en Occident? Mm-hmm. Qu'est-ce qui fait qu'il y a un déclin aussi énorme chez l'homme? Donc, statistiquement, on peut dire que le déclin dans les pays occidentaux est significativement plus fort que sur le reste de la planète. Mais on ne peut pas dire avec certitude qu'il existe ou non un déclin dans les autres pays. Mm-hmm. Parce que les études n'ont pas été menées à terme aussi fort que ça l'a été fait aussi, ici en Occident. Donc, c'est un mystère scientifique. Tout ça, messieurs, vous êtes un mystère, sachez-le. Parce que on savait déjà. Parce qu'en fait, la cause de cette baisse-là de spermatozoïdes, c'est encore inconnu. Et les perturbateurs endocriniens provenant de certains médicaments, de certains nettoyants, de certains pesticides. Ouf. Bien, ce sont tous des choses qui sont au banc des accusés présentement. Ouais. Donc, le stress, l'obésité, le tabac, ça aussi, ça se ramasse sur le banc des accusés. Et le cas du tabac semble quand même contre-intuitif. Donc, dans les pays industrialisés, on fume moins aujourd'hui que dans les années 70. Par contre, les études suggèrent que la qualité du sperme des hommes dépend davantage de la consommation de tabac de sa mère. Bah. Pendant sa grossesse, que la propre consommation d'un homme. Mm-hmm. Donc, il y aurait quand même un décalage de plusieurs années entre ce qui affecte la qualité du sperme et sa détection. Donc, dans tous les cas, on a des docteurs qui se sont penchés sur la question et on a des docteurs aussi qui lancent un appel à la recherche. Il faut trouver scientifiquement ce qui se passe chez vous, messieurs, parce que 60 % en 40 ans, c'est énorme. Et l'Organisation mondiale de la santé, comme je le disais tout à l'heure, on s'est posé la question chez la femme, on s'est posé la question chez l'homme. On considère comme normal une concentration de spermatozoïdes qui va aller jusqu'à 15 millions par millilitre. Donc, avec une moyenne de 47 millions de spermatozoïdes par millilitre en 2011, on pourrait penser que les hommes occidentaux sont pas encore au point de pouvoir s'inquiéter. Par contre, il y a des docteurs qui lèvent la main et on dit qu'on voit pas les choses de cette façon-là parce que, bon, quand la moyenne baisse, c'est que toute la courbe de distribution va baisser aussi à un certain moment. Ça veut dire que la proportion d'hommes qui se retrouvent dans la catégorie d'infertilité ou de sous-fertilité augmente de façon extrêmement importante. Et selon lui et selon ces chercheurs-là en question, eh bien, outre le nombre, il y a aussi possibilité que la qualité des spermatozoïdes soit affectée. Donc, quand une population décline, c'est souvent parce que les individus ne vont pas si bien que ça. Donc, contrairement à l'Organisation mondiale, les chercheurs présentement se disent « Non, écoutez, là, il y a un déclin. Le déclin n'est pas expliqué encore, mais il est là. Donc, il faut se poser la question. Il ne faut pas juste dire « Ben non, mais tu sais, le déclin n'est pas si important que ça. » Il est important, c'est 60 % en 40 ans et c'est quasiment 50 % de la qualité de votre spermatozoïde qui est parti. Donc, messieurs, si jamais vous voulez avoir des enfants un jour, commencez à vous poser la question. C'est alarmant, pas mal, ça? C'est alarmant, hein? La guerre déclin. Et... wow! Sujet assez... comment dire? Bam! Ouais, exactement. Ouais, c'est ça, tu veux nous faire mal le matin. Merci Tania Baudin. Fait plaisir. Tania Esgolin, Tania, tous les matins de semaine à Assemblage Requis. La seule chanson que j'avais qui avait un certain rapport, je me dis, les chromosomes dont on a parlé, c'est dans le sang, ça. Mm-hmm. Donc voici Tinsel Town Swimming in Blood par Destroyer. À Assemblage Requis. La guerre des clés. Ribbons dancing in the rain, flowers on the skyline. Hey, how is it? Why? What comes round's going round again. Towers coming up forever. That's alright for now. It was just a dream of your blue eyes. I couldn't see, I was blind. Off in the corner doing poet's work. That's alright for now. It was just a dream of your blue eyes. Tinsel town dripping in blood. Women dancing in the wind. Dead flowers on the skyline. Hey, how is the wine, baby? What comes round's going round again. Now let me tell you about the dream. I had no feeling. I had no past. I was the artist. I was the vast spaces without reprieve. I was a Destroyer avec Tinseltown, Swimming in Blood. Maintenant, breaking news. Oh là là. Messenger ne fonctionne pas. You are not alone. You are not alone. À 7h du matin, il y avait 578 plaintes sur le site CanadianOutages.ca, quelque chose comme ça, Facebook Messenger ne fonctionne pas. Donc, c'est pas juste vous. Pas besoin de... capote avec ça. Non, c'est ça. Ça va revenir. L'armée de robots de Mark Zuckerberg est sûrement sur le terrain en train de réparer ça. Probablement, bref. J'en doute pas. On revient après la pause, justement, en parlant de marketing avec le bloc pub. Restez là. Assemblage requis pour toi aujourd'hui. Assemblage requis. Oui. C'est fou, 89. Assemblage requis. Aujourd'hui, assemblage requis. Oui. Assemblage requis. Pour toi aujourd'hui, assemblage requis. Oui. Assemblage requis. Que c'est la deuxième heure d'Assemblage requis en ce mardi 5 décembre 2017. Elle est Tania Baudin. Et Mathieu Plante. À 8h02, Facebook Messenger semble être de retour. Oui. Alors, on vous a dit tout à l'heure que c'était mort, mais présentement... Ben, c'était mort depuis 6h23 quand même. Oui, quand même. Une longue panne d'une heure et demie, mais apparemment c'est revenu. Le chat fonctionne toujours pas, mais Facebook Messenger, comme dans l'inbox de messages, a l'air de fonctionner. Oui, bon. C'est ça. Voilà. C'est dit, on est sur la nouvelle aujourd'hui, c'est comme ça. On est là maintenant pour parler de marketing ensemble. Voici le bloc pub. Venez au bon marché. Oui, papa. Tout le monde aime. Je préfère le Gouda. Kiss you! 4,99$ la minute. Merci, Jojo, merci. Le Pub, c'est la chronique où on parle de marketing, de tout ce qui est fait pour vous faire acheter des choses. On commence avec un vendeur de mode, là, des produits de vêtements là, en ligne qui s'appelle Yooks, qui a caché des offres exclusives dans des publicités, des publicités YouTube, oui, de 15 secondes. Oh! Ouais, donc il faut trouver quelque chose d'intelligent de nos jours pour faire parler de soi. Hein, et Yooks a trouvé une façon assez unique. C'est donc un revendeur de produits de mode qui a signé avec Stink Studios et Google pour lancer des publicités pre-roll sur YouTube. Donc, ça, c'est des publicités qui jouent avant vos vidéos, là, celles qu'on aimerait pouvoir skipper, mais que maintenant, on ne peut plus vraiment. Ouais. Hein? Bref, qui offrait des offres exactement pour la durée de chaque publicité de 15 secondes et pas une seule seconde de plus. Yooks qui vend des vêtements de marques luxueuses comme Dolce & Gabbana, Gucci, Givenchy. Donc, a offert des articles seuls et uniques. Une fois que l'offre était annoncée, les spectateurs avaient 15 secondes pour cliquer et aller chercher le produit et l'acheter. Hein? S'ils skippaient la publicité ou se rendaient à la fin des 15 secondes, ils manquaient complètement le deal. Ah non! C'est fort quand même. Les gens ont essayé d'aller retrouver la publicité plus tard sur YouTube pour voir le code, etc. Mais non, c'était une seule fois. Au moins un utilisateur de YouTube a réussi à capturer la publicité YouTube avec l'offre. Donc on peut regarder rapidement de quoi ça a l'air. Yooks présente la collection la plus exclusive, parce que si vous skippez, vous allez la manquer. Et là, le 15 secondes commence et tu vois un habit Dolce & Gabbana à 1036$. Hein? Ça, c'est un deal, ça. C'est un deal. Ben et là, oui. On voit un petit oiseau qui picosse sur des lasers ou je sais pas trop quoi. C'est assez compliqué à expliquer. Des rouages, des lasers, du rose et du mauve. Et zap! Allez plus rapidement la prochaine fois! Yooks.com, Yoox.com. Si ça vous intéresse, allez vous acheter un habit à 1000$. Un habit. À 1000$. Hein? Spotify, ensuite, qui a trouvé quelques petites habitudes de ses utilisateurs pour faire une campagne publicitaire à l'extérieur pour les fêtes. Hein? Peut-être avez-vous vu passer ça. Prêt pour les résolutions du nouvel an, peut-être? Mais non, personne ne l'est vraiment. Et c'est pour ça que Spotify a quelques petites suggestions basées sur les habitudes de ses utilisateurs. Donc, le service de musique, de streaming, a installé une campagne extérieure en utilisant un petit peu la même approche que l'an passé, c'est-à-dire des pancartes avec des grands titres, des textes accrocheurs remplis de données d'utilisateurs. Donc, ça s'appelle 2018 Goals. Donc, c'est pour souligner, oui, un comportement gagnant de 2017 qui fonctionnerait très bien en 2018. Par exemple, tu aurais un texte qui dit... inspirez-vous des 3445 personnes qui ont streamé The Boozy Brunch Playlist les mercredis cette année. Ah. Donc, un brunch alcoolisé, hein, c'est ce qu'on a fait les mercredis, apparemment, que c'était populaire. Je sais pas trop pourquoi. Il y a plusieurs pancartes politiques aussi aux États-Unis. Aucune qui mentionne le président Trump parce que ce serait probablement beaucoup trop sensible comme sujet en ce moment, mais on s'amuse avec d'autres affaires. Ici, on a but de 2018. Donner des burns, tu sais, des burns comme dans genre, tu sais, quand tu dis à quelqu'un « Wow, tu m'as brûlé tellement que ton commentaire était cinglant. » Oui, oui, oui. Donc, livrer des burns aussi bien que la personne qui a streamé la chanson « Bad Liar » 86 fois la journée où Sean Spicer a démissionné de son poste. Donc, tu vois, on prend les données de chaque personne ou des utilisateurs de Spotify pour en faire des pancartes grand public. Ensuite, Keolis Canada qui transforme un autocar en Père Noël Express. Ouh! Oui, une grande collecte de jouets organisée au profit des enfants dans le besoin. C'était du 27 novembre et ça se continue jusqu'au 19 décembre. Keolis Canada envoie le Père Noël Express, un autocar habillé aux couleurs de Noël, parcourir les routes du Québec afin de recueillir des jouets. C'est Monday. Ouais. Des affiches de l'opération ainsi que des bacs pour recueillir les jouets seront placées dans les gares, les arrêts et les terminus d'Orléans Express de manière visible afin de bien interpeller les passagers. Évidemment, ici à Trois-Rivières, notre terminus Orléans Express est en plein mouvement. Ouais, c'est ça exactement. Reconstruction. Pour créer le nouveau centre... Le centre intégré en art de technologie avec un A commercial. Il manquait que le 2000 sur le nom de leur, de leur programme. Sérieusement, avec le A commercial, j'approuve pas. Bref, ça va être là, entre autres. Aussi, ils vont également être présents dans différents points de collecte identifiés comme des écoles ou des centres commerciaux. En plus des trajets prévus sur le circuit d'Orléans Express, l'autocar Père Noël Express ira récupérer les dons dans tous les points de collecte des réseaux de transport urbain, aéroportuaire et scolaire de Keolis Canada. Ensuite, une politicienne sans pénis qui mentionne le fait qu'elle n'a pas de pénis dans sa campagne publicitaire. Dana Nessel, pour Attorney General du Michigan. Mm-hmm. Avocate à Détroit et candidate démocrate pour devenir Attorney General dans le Michigan, fait allusion à toutes les récentes nouvelles sur les hommes puissants accusés d'inconduite sexuelle dans une nouvelle campagne envoyée sur sa page YouTube. Et ça pose une question assez pointue. Ça pose la question, si les dernières semaines nous ont enseigné quelque chose, c'est qu'on a besoin de plus de femmes en position de pouvoir et non moins. Donc, quand vous allez choisir votre prochaine attorney générale du Michigan, posez-vous cette question. En qui pouvez-vous avoir le plus confiance de ne pas vous montrer leur pénis dans un environnement professionnel? Est-ce que c'est la candidate qui n'a pas de pénis? Je dirais que oui. Voilà, donc ça crée la controverse, évidemment. J'imagine. Ça a pas mal le choix. Ensuite de ça, on a Samsung qui a fait une publicité. En fait, c'est un genre de long-métrage de 66 minutes, super artistique, sur des vêtements qui tournent dans sa laveuse. Oh! Un film avec la musique de Michael Nyman qui suit donc une publicité de 3 minutes à la télé. Mais ici, c'est la version de 66 minutes. C'est inspiré par le phénomène de la slow TV ou le ASMR, la stimulation là, des trucs dans le cerveau. Là, bon, quand t'entends quelqu'un chuchoter puis ça t'excite dans le cerveau. Bref, la publicité commence à faire ça à la télé aussi. Donc Samsung au Royaume-Uni qui a sorti une publicité de 66 minutes qui montre le cycle de lavage de sa laveuse Quick Drive. Donc oui, un film d'une heure qui montre des vêtements bouger. Il n'y a rien de plus que ça. Le film s'appelle Washing Machine, complètement monotone. Et Samsung a demandé à Michael Nyman, qui a fait la musique de plusieurs films artistiques, dont The Piano, gagnant d'un Oscar, pour composer la trame sonore, qui change donc la laveuse en quelque chose d'artistique. Le film va débuter aujourd'hui même Leicester Square's Cineworld Theatre. Ça va être ensuite le 6 décembre, donc demain sur YouTube. Samsung a sorti seulement un petit teaser. Ils ont diffusé une publicité de 3 minutes 20 secondes sur Channel 4 en Grande-Bretagne le 24 novembre dernier pour montrer le cycle de lavage de Quick Drive. Et voilà. Vous pouvez aller voir la vidéo au complet. On dit que les Britanniques passent en moyenne 61 jours de leur vie, 1481 heures à regarder les vêtements tournés dans leur laveuse. Je connais pas grand monde qui reste devant leur laveuse à moins d'être dans une buanderie, mais bon. Ensuite, on revient au Canada avec Canadian Tire qui imprime le visage de joueurs de hockey sur du pain pour la bonne cause. As-tu vu ça? Non. Wayne Gretzky, Connor McDavid et Jonathan Toews. Sur du pain pour la cause, donc. Pour le hashtag Vive les Toasts. La toute première campagne de financement sur les médias sociaux lancée par Canadian Tire en appui avec la fondation Bon Départ, mettant à profit la force d'influence de trois des ambassadeurs Bon Départ. Donc Canadian Tire qui a lancé la toute première campagne de financement sur les médias sociaux pour amasser des fonds afin de favoriser l'accessibilité aux jeux et aux sports pour les enfants défavorisés de partout au pays. Intitulé hashtag Vive les Toasts et lancé le 20 novembre dernier, la campagne créée par Canadian Tire et l'agence Community Toronto prend vie dans trois vidéos en ligne, chacune adaptée à la personnalité du joueur de hockey, où les trois étoiles sont accompagnées de leur grille-pain personnalisé qui imprime leur visage directement sur le pain. Les vidéos étaient accompagnées d'une forte stratégie de médias sociaux et numériques visant les milléniaux pour les sensibiliser à la cause et faire de cette collecte de fonds une réussite. Les trois grille-pains en édition limitée en vente à seulement 25$ se sont épuisés en une seule journée et tous les profits étaient remis à la Fondation Bon Départ, organisme caritatif national qui aide les enfants issus de familles à faible revenu à tirer profit des avantages qui découlent des activités physiques et sportives organisées. Quand même cool! Oui, très cool! Ensuite, une publicité spéciale que Toyota a diffusée sur NBC entre The Voice, tu connais La Voix, et This Is Us, qui est probablement l'émission la plus discutée des États-Unis en ce moment. Une publicité de 100 secondes, qui est une première à la télé, nous dit-on. Donc, les publicités du Toyota-ton de Toyota ne sont pas connues pour leur subtilité. Souvent, on nous punch dans le visage avec du bonheur des fêtes 30 secondes à la fois en montrant les véhicules. Cette fois-ci, par contre, l'agent Saatchi & Saatchi et la compagnie Toyota ont essayé quelque chose de nouveau en contenu et en format. Donc, ils ont diffusé une publicité de 100 secondes sur NBC. C'est selon eux la première fois à la télé, qui était beaucoup plus dans l'émotion, le conte, conter une histoire. Ça s'appelait R plus S, réalisé par Lance Accord de Park Pictures, qui a travaillé entre autres sur la publicité Pink Moon de Volkswagen, qui avait eu du succès. En fait, il avait gagné un Emmy. La publicité donc est multigénérationnelle, ça raconte l'histoire d'une famille et l'arbre qu'ils ont aimé pendant des décennies. Je ne vous la ferai pas écouter au complet, mais juste pour vous dire que 100 secondes, c'est apparemment une première qu'il faut célébrer. Maintenant que la mode est rendue à faire des publicités de 6 minutes, ah, c'est de ça. 6 secondes, excuse-moi, il faut faire des publicités de 100 secondes, tu sais. Ensuite, des publicités contre le tabac payées par les fabricants de cigarettes. Oh boy! Ouais, les grands fabricants américains de tabac effectuent un retour publicitaire, mais cette fois, c'est contre leur gré. Pour la première fois dans l'histoire, les tribunaux ont ordonné à l'industrie de publiciser les méfaits de la cigarette, selon l'Associated Press. Une offensive qui a été lancée le 26 novembre, soumise à des règles de diffusion strictes, défrayée par la société mère de Philip Morris USA, le groupe Altria et R.J. Reynolds Tobacco, une filiale de British American Tobacco. Au Canada et au Québec, les instances gouvernementales financent les publicités. Les réseaux CBS, ABC et NBC aux États-Unis présenteront notamment les messages 5 fois par semaine pendant un an pour un total de 260 diffusions du lundi au jeudi de 19h à 22h, c'est très précis. Une cinquantaine de périodiques dont les quotidiens New York Times, Chicago Tribune et LA Times afficheront ces publicités en format pleine page à plusieurs occasions le dimanche. Donc on s'est vraiment arrangé pour avoir les heures de grande écoute et les journaux les plus lus. Les initiatives de prévention du tabagisme ciblent principalement les adolescents. Selon les données du groupe Nielsen Media Research, on dit que 9 fumeurs sur 10 allument leur première cigarette avant l'âge adulte. Pourtant, à peine 5% des téléspectateurs des réseaux télévisés ont aujourd'hui moins de 25 ans. En 1999, le département de la justice du président Bill Clinton avait intenté une poursuite contre les cigarettiers afin de récupérer une partie des sommes investies par Washington pour soigner les victimes. Une juge fédérale avait donné raison au gouvernement en 2006, concluant ainsi une entente de 246 milliards de dollars US avec l'industrie. 10 ans plus tard, ces fabricants sont plutôt contraints de publier des correctifs sous la forme de publicité sur leur site web, les paquets de cigarettes, les étalages des magasins. En vertu des lois sur le racketeerisme qu'on appelle utilisé dans le dossier fédéral, la juge a estimé qu'elle n'avait pas le pouvoir de contraindre les cigarettiers à payer. Avec des lettres noires sur fond blanc dans une narration très monotone, les publicités dressent un portrait sobre du tabagisme, un peu comme sur les emballages de cigarettes où on a des messages, sauf qu'ici on n'a pas les visuels déplaisants. On va entendre un exemple. Une cour fédérale a demandé à Altria, R.J. Reynolds Tobacco, Lorillard et Philip Morris USA de faire cette déclaration sur les effets de la santé de la cigarette. Smoking kills, la on average, cigarette tue en moyenne 1200 Américains chaque jour. Plus de gens meurent chaque année de la cigarette que du meurtre, du sida, du suicide, des drogues, des accidents de voiture et de l'alcool mis ensemble. Etc. On comprend que ça crée plein de maladies. Et là, ça continue pendant un bon 45 secondes. Donc, vous allez voir ces publicités-là si vous regardez la télé américaine fréquemment. Hein? Au Canada, c'est la fin des années 80 que les groupes de santé ont commencé à s'attaquer aux publicités sur les produits du tabac. Après 5 lois fédérales et provinciales et un précédent jugement en 95, la Cour suprême a officiellement validé la loi canadienne sur le tabac en 2007. Les annonces pour le tabac dans les médias imprimés grand public ont été définitivement bannies en 2009 avec la loi restreignant la commercialisation du tabac auprès des jeunes. Ensuite de ça, on parle de Dodge, hein, et les bloqueurs de publicité. Pardon, je m'excuse, je recommence ma phrase. On ne parle pas de Dodge, on parle de pour éviter, comme dans le verbe to dodge. Tu comprends? Donc, pour éviter les bloqueurs de publicité, c'est une banque qui a passé des publicités en bannière dans les journaux à la place. Ah ouais? Ouais, donc quelque chose pour l'industrie du papier journal. C'est un annonceur français qui a décidé de prendre ses bannières numériques et les sacrer dans le journal. Boursorama Bank, qui fait partie de la Société Générale, oui, qui se spécialise dans les aspects financiers en ligne, a une promotion qui offre un crédit, bon, pour un compte ouvert entre telle date et telle date, mais l'agence Buzzman a pris la version web de ses coupons et les ont insérés dans la publicité dans le journal, supposément pour se rendre aux utilisateurs qui ont un logiciel pour bloquer les publicités sur Internet. Ça dit, on voulait pas que vous manquiez notre publicité en bannière, donc on l'a mis ici. Et là, t'as une petite fenêtre de browser de furteur avec un bouton qui dit aux utilisateurs de cliquer ici pour aller chercher l'offre. Une promesse, évidemment, qu'ils ne peuvent pas faire s'ils frappent sur la page. Quelle excellente idée. Voilà. C'est tout à fait ridicule, mais c'est fait pour faire parler d'eux. Ça fonctionne très bien. Ensuite, Unibrew qui invite à popper ses bouteilles pour ses 25 ans. Ah! Ouais, Unibrew, en collaboration avec Dada, célèbre son 25e anniversaire en lançant une campagne et un jeu interactif invitant les fans à composer une sonnerie de téléphone faisant popper les bouteilles de ses bières. Faire sur le web pour une courte durée. Oui, le jeu interactif 25e Symphonie propose aux utilisateurs de composer leur propre sonnerie parmi un choix de trois airs. Une campagne web met de l'avant le brassin du 25e anniversaire, soit une bière au nez de malt torréfié, de saveur de chocolat noir et de délicates notes fruitées, rappelant le classique gâteau forêt noire. Ah ben là, j'en veux maintenant. Depuis 1992, Unibrew produit ses bières en s'inspirant des traditions brassicoles belges et utilise un procédé de refermentation qui s'apparente à la méthode champenoise, disent-ils. Donc c'est pour ça qu'ils veulent que ça soit encore plus connu. Voilà. Allez voir, c'est super joli en plus. Ensuite, Ebox a tapissé la station Université de Montréal d'articles Wikipédia. OK. Ouais, la société de télécommunication Ebox qui a imprimé 70 000 articles, les 70 000 articles les plus consultés sur Wikipédia. C'était signé Dan Subas, ça a été affiché sur les murs de la station de métro Université de Montréal. Leur but était d'atteindre la clientèle étudiante de façon percutante. Les jeunes sont exposés à tellement de messages au quotidien qu'il peut parfois être difficile de se faire voir, disent-ils. Donc avec cette murale, ils ont capté l'attention. 50 733 passants par jour pendant 4 semaines pour un total de 1 420 000 et plus impressions et un accès gratuit à Wikipédia pour les étudiants de l'Université de Montréal. Donc, c'est ce que Ebox offrait. Vous pouvez aller voir la petite vidéo de démonstration sur assemblagerequis.com. Ensuite, on a Chic Marie qui mise sur l'intelligence artificielle pour personnaliser l'expérience de ses clients. Chic Marie, qui est une entreprise de location de vêtements, qui a pour mission d'offrir aux femmes l'accès à une offre de vêtements de qualité à prix abordable, en utilisant le potentiel des nouvelles technologies, innove et lance Scarlett, un tout nouveau système d'intelligence artificielle de haute technologie. Scarlett se veut le tout premier service de stylisme personnalisé, clé en main au pays. En partenariat avec le Conseil national de recherche du Canada et l'Université Concordia de Montréal, l'entreprise devient ainsi la première plateforme de location de vêtements à s'allier d'un système d'intelligence artificielle haut de gamme. Les utilisatrices pourront se rendre sur le site web et remplir un court questionnaire pour filtrer leur goût. Scarlett prendra ensuite le relais et composera systématiquement les boîtes des utilisatrices en sélectionnant des morceaux qui non seulement iront de pair avec le style et la personnalité de chacune, mais seront aussi parfaitement dans leur taille. Il ne suffira que de quelques essais des services de Scarlett, donc on parle de 3 à 4 commandes avant d'optimiser les goûts de tous. Évidemment, là, on parle de prix de 55$ pour le forfait casual et 95$ pour le forfait classique. Mm-hmm. Et la version bêta de Scarlett est disponible maintenant. Old Spice, c'est Terry Crews, un des représentants de Old Spice depuis quelques années, qui nous amène une bûche de Noël qui explose. Ye old exploding Yule log pour les fêtes. Hein, quand on pensait que les bûches de Noël étaient beaucoup trop calmes, beaucoup trop relax, ben en voici une version un petit peu plus extrême. Hein? On fait des vidéos de bûches de Noël en version parodiée depuis des années. Oui. Il y en a eu une avec Nick Offerman et une avec Jimmy Dean et ses saucisses il y a quelque temps. Cette année, Old Spice a créé Ye Old Exploding Yule Log, dont la bûche n'arrête pas d'exploser pendant une vidéo qui dure une heure. Et Terry Crews apparaît en plein milieu du feu, lui qui est la vedette de plusieurs de leurs publicités, pour crier quelques trucs genre Old Spice avant que lui aussi explose. Donc une vidéo des fêtes fabriquée par Whedon & Kennedy qui nous pousse à acheter les Old Spice Holiday Packs que vous avez certainement vu en pharmacie depuis quelques temps. Donc bûche qui explose, je vous l'ai fait pas encore... entendre encore, c'est assez facile de vous l'imaginer par vous-même. Ensuite, Food & Wine a changé de nom pour Food & Milk pour une campagne sur le lait. Food & Wine qui est un nom de magazine aux États-Unis, donc une publicité, une cascade publicitaire pour, par Goodby Silverstein & Partners, oui, qui a convaincu le magazine Food & Wine de faire une campagne publicitaire avec du lait à la place en changeant pour Food & Milk. Voilà, donc la nourriture aime le lait, c'est ce qu'ils ont sorti comme message, et ça montre que le lait peut très bien s'assembler avec plusieurs saveurs, plusieurs nourritures, que ce soit épicé, sucré ou peu importe. C'est un cover rap, un petit peu comme on connaît sur les journaux des fois. Donc la page couverture existe quand même. C'est une page couverture ajoutée par-dessus pour emballer la première page couverture réelle. Bref, il y a aussi des publicités à l'intérieur et à l'arrière du magazine Food & Wine. C'était envoyé aux gens qui sont abonnés à Food & Wine en Californie. Ensuite, des publicités de l'Iris qui souhaite libérer Montréal, en fait, de la publicité extérieure. On essaie d'enlever la publicité qu'il y a à l'extérieur. Ah oui? On sait qu'on est bombardé de publicités sur des panneaux publicitaires. Je cite ici, elles sont présentées à la télé, à la radio, dans les journaux, sur Internet, mais aussi sur les panneaux qui longent les routes, dans les transports en commun ou sur les coins de rue. Les salles de bain, de bars et de restaurants sont également envahies par la pub, tout comme les taxis ou les corridors publics. Je continue la citation. S'il est possible de fermer le journal, la radio ou la télé, il peut s'avérer difficile de se soustraire à la publicité quand celle-ci se retrouve sur son trajet à l'extérieur. De plus, celle-ci ne répond pas toujours à des normes très élevées. Plusieurs publicités sont sexistes et utilisent le corps érotisé de femmes pour vendre des produits. Il suffit de penser aux annonces faisant la promotion de sous-vêtements, de parfums ou même de souliers qu'on peut voir dans les stations de métro. C'est ce qu'on nous dit ici. Donc, l'Institut de recherche d'information socio-économique, l'IRIS, a publié une fiche proposant l'élimination de la publicité à Montréal, citant en exemple des villes comme São Paulo au Brésil ou Grenoble en France, qui ont pratiquement banni l'ensemble de la publicité sur leur territoire. Les espaces libérés permettraient une utilisation qui sert mieux l'intérêt collectif en plus de valoriser l'environnement urbain. Selon l'IRIS, l'impact d'une telle mesure sur le budget montréalais serait relativement marginal puisque les revenus tirés de la publicité à Montréal représentent moins de 3% du budget de la ville. Tu vois, je m'attendais à beaucoup plus. Donc leur site, en fait leur document pour une ville sans pub est disponible en lien sur assemblagerequis.com. J'ai parlé tantôt qu'il y avait les publicités de 6 secondes qui étaient rendues vraiment à la mode. Et bien, ça vient d'arriver au Québec aussi. Oh. Ouais. Québécois Média, hein? Ben oui, quelle évidemment. Surprise. Se lance dans le format publicitaire de 6 secondes. Donc, on suit la tendance partout. Propose désormais le format publicitaire de 6 secondes à la télé sur ses multiples supports numériques afin de fournir aux annonceurs les meilleurs véhicules pour passer efficacement leur message. Je sais pas si c'est tant efficace que ça, 6 secondes. J'sais non, pas. Hein? En tout cas, sur YouTube, je me rappelle jamais des... Tu sais, je sais qu'ils sont là, mais je les regarde pas. Ouais. Bref, on dit que l'attention des consommateurs est de plus en plus sollicitée et les marques cherchent à les toucher le plus rapidement possible. Les courts formats représentent donc une avenue intéressante dans leur mix média, disent-ils, et Québécois est fier de pouvoir leur offrir ce format émergent. TVA, TVA Sport, LCN, Addict TV, Casa, Moins Compagnie et Prise 2 sont les propriétés télé, offrant désormais les 6 secondes, en plus de plusieurs autres plateformes numériques de Québécois Média. Il nous en reste deux dernières, consommons avec Sneakers, qui prend le contrôle d'une chaîne de télé au grand complet. Okay. Une chaîne de télé britannique qui a vu en quelques minutes tout son contenu perturbé, victime d'un coup publicitaire ingénieux réalisé par Snickers afin d'illustrer la célèbre campagne « T'es pas toi quand t'as faim »,« You're not you when you're hungry ». Donc le réseau a connu pour présenter du divertissement destiné particulièrement aux milléniaux, s'est subitement mis à montrer un tout autre genre de contenu, incluant un vieux film français en noir et blanc, un championnat d'échecs. Victime d'un dédoublement de personnalité momentané, la chaîne a même adopté un nouveau nom, Rupert, et ainsi dévoilé de nouvelles couleurs. Le coup s'est transposé au-delà de la télé. Rupert a alors pris le contrôle de la page Facebook du réseau pour publier d'autres photos incompatibles avec l'image normalement véhiculée par la marque. Et afin de pousser l'initiative jusqu'au bout, les réceptionnistes ont même commencé à répondre au téléphone avec le nom de Rupert. Ah ouais. Je sais pas s'ils se sont fait payer plus cher pour être une publicité ambulante comme ça. Je sais pas, hein? Il me semble que ça fait vendu pas mal. J'espère. Finalement, afin de boucler la boucle, le Sneakers a présenté des excuses aux habitués de la chaîne de télé en leur faisant savoir dans une lettre que le réseau s'était suffisamment approvisionné en tablettes de chocolat pour ne plus jamais être victime d'un tel événement. Ça fait vraiment genre « nous sommes à vendre ». Et finalement, le lait a profité du lundi noir pour jouer au chevalier blanc. Oh. Un moment de l'année peu exploité par les marques, nous rappelle ActuMedia.com. Donc, pour une deuxième année consécutive, les producteurs de lait du Québec ont accompagné les Québécois dans le changement d'heure. Une campagne développée par LG2 et Touché, qui s'est déroulée les 5 et 6 novembre dernier, a permis aux produits de se positionner en sauveur grâce à la vitamine D qu'il contient et qui aide à compenser la perte de lumière. Un message spécial d'intérêt public a été diffusé dans lequel le lait a été appelé les gens pour les aviser du sombre lendemain qui les attendait, mais surtout pour leur offrir une solution. Et l'offensive s'est poursuivie à la fois en ligne et hors ligne avec une page de contenu web, une publicité radio ainsi qu'une présence sur Météo Média et sur les plateformes numériques de Québécois. En fin de journée, la maison de Radio-Canada s'est éliminée d'un grand verre de lait. Encore une fois, ça fait encore. Ben nous oui, sommes hein? à vendre. Réalisé entre CBC, Radio-Canada, Solutions Média. D'autres projections issues de peintes de lait géantes ont embelli des murales à Montréal. Une projection a également été faite à Québec. Je sais pas, ce genre de choses-là qui prend toute la place, là, ça me... Mais là, par exemple, c'est les producteurs du lait du Québec. Fait que c'est je trouve ça. Moi, ouais, mais je trouve pas ça si pire. C'est pas comme si c'était une compagnie privée. Là. OK. Je peux voir le point. Ouais. Je peux comprendre. Ouais. Le truc de la chaîne qui a changé de nom à la télé, par contre, c'est... Ça, ouais. Je sais pas. Ça, c'est différent. C'est différent. voilà pour le bloc pub. Les liens sont sur assemblagerequis.com dans les notes de l'émission numéro 1167. Dans quelques instants, notre grand plaisir, c'est d'accueillir Dominique Notte-Mavungu qui justement est avec nous en studio pour nous dire ce qui s'en vient tantôt. Dominique, salut. Salut Mathieu, salut Tania. Allô. Bon matin. Qu'est-ce qui s'en vient tantôt? Donc tantôt, on va parler un peu des achats de Noël, en fait, des comportements d'achats qu'ont nos amis du continent africain. Wow. Et parler un peu de politique. OK. Et un peu de voitures fabriquées sur le continent aussi. Wow, toujours très, très varié. C'est dans Voix d'Afrique dans quelques instants. Assemblage requis, restez avec. Matinale, assemblage requis, accompagné de Tania Baudin. Et de Mathieu Plante. Okay, oui. Oui, et maintenant, on a Dominique Notte-Mavungu avec nous pour sa chronique qui commence à l'instant. Donc voici Voix d'Afrique. Mavungu, bonjour à toi. Bonjour Mathieu. De retour pour une autre chronique de Voix d'Afrique. Si, tellement de sujets variés, ça se peut même pas comment tu jongles avec plein de choses qui ne vont pas ensemble, mais ça fit. On aime ça. C'est vrai. Par quoi est-ce qu'on commence? Donc, on va commencer déjà par un peu l'audiovisuel. Okay. Donc, je vais parler un peu du paysage audiovisuel tu sais, sur le continent. Parce qu'il y a certains pays qui ont beaucoup de chaînes. Des télé, des stations radio, quand il y a d'autres aussi qui en ont moins. C'est ça. Beaucoup de pays en Afrique quand même. C'est ça, c'est ça. Mais je dirais, par exemple, je vais prendre, en Afrique de l'Ouest, généralement, le paysage audiovisuel, il est assez fermé. C'est-à-dire, les pays, ils ont généralement peut-être que les chaînes nationales qui émettent. Mm-hmm. Et puis, il y a aussi les chaînes de Canal Sat. C'est un peu comme le bouquet. En fait, dans le fond, on a un bouquet. C'est des chaînes un peu de partout qui sont offertes par la compagnie Orange. C'est une compagnie française. Okay. Qui a comme un bouquet là-bas et qui propose les programmes des différentes chaînes. Peut-être il y a I, TF1, ITélé, puis des chaînes européennes quand même. Les chaînes classiques là, du câble français. C'est ça, du câble français aussi. Et par contre, il y a aussi certains pays. Par exemple, je prends l'exemple du Congo Kinshasa, où là-bas, rien que les chaînes même locales, il y en a plus de 100 déjà. Ah ouais, wow. Tu vois. Okay. Donc, un fait drôle, c'est que la plupart aussi, bon, quelques-unes de ces chaînes diffusent justement le contenu du bouquet en fait. Ouais, ok. C'est-à-dire, mettons, ben moi, j'ai le bouquet. Tu sais, je suis abonné à Canal Satellite. Et j'ai une chaîne, et dans le fond, je me fatigue pas, je fais juste passer les programmes de Canal. Ah, c'est ça, c'est facile, t'achètes les programmes des autres chaînes, tu les diffuses sur ta propre chaîne, ça se remplit tout seul, la job est faite. Je m'en retourne chez nous. Automatisé, ça. Puis voilà, donc si bien qu'à un moment, il y avait plus trop de personnes qui commençaient à acheter Canal Satellite, tu vois. Pas besoin, les émissions sont toutes sur les chaînes. C'est ça. Puis en plus, là, c'était totalement gratuit. Ouais. Donc c'était bon, jusqu'à présent je pense que ça continue, mais en ce moment les chaînes de télé perdent beaucoup de terrain aussi à cause d'internet. Ben oui, et tout. C'est, mm-hmm. C'est partout donc, pareil. Hein. C'est ouais, c'est ça. Donc là-bas bon, il y avait beaucoup de personnes qui passaient du temps sur la télévision et tout, mais maintenant c'est sur YouTube et ils regardent directement les séries sur YouTube. Et d'ailleurs même ben là, je sais pas si YouTube ils ont arrêté ça, mais avant, tu sais, je sais qu'on pouvait mettre des films complets et tout sur ouais. YouTube, mais mm-hmm. maintenant, je pense qu'ils ont. Ils restent là quelques temps, puis après, ils se font retirer des fois. Ouais, je pense qu'ils se font peut-être même détecter en temps réel. C'est ça, ouais. Je pense que donc maintenant, il y a de moins en moins de films qui sont sur la plateforme YouTube. Mais il y a tout. Toujours des alternatives à ça. Quand on cherche, on trouve. Exactement. Mais il y en a quand même, il en reste beaucoup, là, ouais. Mais les publicités sont intégrées dedans. Oui, genre, mais pas aux bons endroits, c'est juste. À une certaine limite de temps, t'as... Pas que je regarde des films sur YouTube, mais là, non. Mais non. Mais non, c'est pas mais... toi la responsable là-dedans. Mais non, je sais. S'ils sont là, t'as le droit. Exactement. T'as le droit. Ça, je me suis. Donc, voilà, je disais que... Mais après aussi, il y a... Bon, ce qui explique ça, c'est qu'au Congo, tu sais, au Congo, bon, en Afrique centrale, les deux Congos, il y a l'État est d'accord avec le fait que les particuliers puissent avoir leur propre chaîne, donc ils sont pas vraiment fermés là-dessus. Mmh. Et donc, en autant que tu payes les droits et puis que tu diffuses... C'est ça, c'est une question d'argent principalement, oui. Ouais, c'est ça, en autant que tu payes tes droits et puis que tu diffuses un contenu moyennement approprié... Ouais, c'est ça. Un canal de porn, ça fonctionnerait non, pas de ça. Non, c'est ça, exactement, je suis pas certaine. Hein. Là, je pense pas. Je pense pas que ça fonctionnerait. Ça risque de heurter un peu la sensibilité. C'est de... ça, un petit peu. Un petit peu quand même. Bon, ça reste que, tu sais, les personnes, c'est un peu vieux jeu, donc du coup, ils vont pas... Mais sinon... Si tu payes, je pense que t'as le droit. Ça, libre à vous, là. Libre à vous, oui. Et puis voilà. Donc, fait que c'était ça pour l'audiovisuel, tu sais, en Afrique. Et on va passer maintenant à un autre sujet, c'était les achats de Noël. Oui, mm-hmm. Dépensons. Dépensons. Donc, je disais qu'en Afrique, généralement, bon, en tout cas en Côte d'Ivoire et les quelques pays que j'ai visités, Congo, etc., c'était beaucoup de vélos, en fait. À Noël, un des on classiques. Offre. Ouais, vélo. Ah ouais. Ouais, un des classiques, c'était vraiment les vélos. Tu sais, tu te réveilles le 26, tu vois plein d'enfants en vélo qui circulent un peu partout dans la ville, des vélos flambant neufs et tout. Bah, c'est utile. Ah c'est ouais. C'est ça. Bah, après, je cache pas que un mois, deux mois après l'euphorie, c'est le vélo, l'enfant, il va plus trop le toucher. Ouais, tu vois. C'est ça. Parce que là, les cours, ils vont reprendre et tout, il n'ira pas. Mais cette année aussi, il y a aussi l'électronique bon, qui marche ben, comme un peu partout dans le monde et tout. Donc les téléphones portables aussi, c'est beaucoup de personnes achètent ça. Et puis aussi les consoles de jeux. Oui. Ouais, les consoles de jeux, les gens, ils aiment beaucoup les jeux vidéo. Donc ben, principalement les enfants. Et même des adultes aussi qui s'en achètent pour eux-mêmes. Ah oui. En fait. Donc, à qui dis-tu là-dessus? Donc, fait que... Les jeux vidéo aussi, ça avait aussi une grosse part de marché. Et pourquoi ça avait une grosse part de marché? C'est aussi dû au fait, justement, à cause de la télé, parce qu'il y a des chaînes qu'on appelle... il y a une chaîne qu'on appelait Manga. Je sais pas, c'est une chaîne qui diffusait que des mangas, en fait. Ok, des animés japonais. Des animes japonais. Et paradoxalement, il y avait beaucoup de pubs de jeux, tu vois, quand il y a un nouveau jeu qui sort au Japon et tout, ça passe sur la chaîne. Et puis c'est une chaîne qui est beaucoup regardée par les enfants et tout, parce que c'est là-bas qu'on pouvait avoir des programmes, c'est comme Dragon Ball et tout. C'est avant. Bon là maintenant, on n'a plus besoin de trop passer par ça. Tu vois, on peut directement regarder sur internet carrément. Mais c'est le fun quand même de pouvoir t'asseoir et mettre une chaîne avec quelque chose que tu vas aimer à la télé quand même, tu sais. Des animés japonais, si t'aimes ça, tu t'assois, tu regardes ce qu'ils jouent, tu sais. Ouais, c'est ça. C'est bon aussi. Mais puis il y en avait quand même pour tous les goûts quand même. Il y en avait, tu sais, pour des dessins animés de sport, comme tu sais, Olive et Tom et tout, mm-hmm. ou c'est un peu plus d'action, Ken les survivants ou Dragon Balls. Ouais. Et donc, il y a aussi des livres, tu vois, qui étaient. Bon, je sais pas si en ce moment ça a un peu baissé, tu vois, avec l'arrivée des tablettes et tout. Mais sinon, avant, c'était beaucoup des mangas en fait en papier. En papier. Ouais. Et puis, on pouvait, comme c'est en noir et blanc, mm-hmm. on pouvait s'amuser à les colorier. Ah. Ah, je savais pas que les gens faisaient ça. Moi, je faisais ça. Ok. Bah, c'est le fun. C'est le fun. Donc, du coup, t'avais des personnages d'une autre couleur, ouais. en tout cas, et puis c'était vraiment personnalisé. Mm-hmm. Donc beaucoup achetaient ça, et puis ça finissait comme un livre de coloriage, tu sais, ça se ramassait que j'ai lisé le manga en un jour, et puis il faut avouer que ça coûtait quand même un peu cher quand même, je trouve. Oui. C'est les tomes, alors qu'ils n'étaient pas, pas tant épais que ça quand même. Mm-hmm. Non, je me souviens, j'achetais ça quand j'étais jeune. Est-ce que vous avez, en Afrique en général, mm-hmm. L'équivalent d'un... d'un gâteau aux fruits. Comme ah, on a. Ouais, parce qu'on parle d'un cadeau, là, mais tu sais, des fois, tu donnes un gâteau aux fruits de génération en génération, non. D'un bord de la famille à l'autre. Je tiens à saluer mon grand-père qui nous amenait ça à chaque année. Oui, est-ce que tu l'as déjà mangé? J'en ai déjà mangé, oui. Dans ta vie? Dans ma vie. C'est ça, pas à chaque année. Non. Est-ce que ça existe? C'est pas mon dessert. Un gâteau de fruits. Ouais, ouais, c'est comme un gâteau, mais qui meurt jamais. Ouais, c'est ça. C'est comme une plante. C'est intuable, cette affaire-là. Comment avec ça? Avec des fruits séchés dedans. Ouais, ben je pense que j'allais chercher une photo sur Google. Un petit fruitcake, là. Fruitcake. Ah bon, ok, c'est, non. C'est malade. C'est quand même bon, il me semble. C'est un peu. Il y a de l'alcool là-dedans, je pense que c'est ça qui fait que ça. Je pense que c'est ça, moi, qui fait que ça reste pendant vraiment très longtemps. On lui montre une photo d'un gâteau. Ouais, c'est ça. Là, ça ressemble à ça, en fait. Là. Ah, non, je pense pas qu'on n'a pas ça dans... Ça doit être québécois. C'est peut-être mieux comme ça. Ah bon? Il dure combien de temps? C'est indestructible, tu sais, ça ne meurt années, pas. Non, plusieurs années, plusieurs mois. Pour vrai? Ouais. Je pense que le classique au Québec, là, c'est le Grant's. Ouais. Tu sais, c'est celui qui est la fait marque. Au Québec, là. Ouais. C'est du rock. Dur comme c'est le ça, rock. Ça dure. Ouais. T'essaieras ça un jour, tu sais, tant qu'à être au Québec, aussi bien essayer la tradition, ben c'est oui, ça. Ben oui, exactement. Okay. Non, je pense que... La tradition, personne ne mange ça. Personne tout le monde ça. En avait un, mais personne ne mange. C'est ça, c'est la tradition d'en avoir un. Exactement, c'est ça. Ça t'en prend un sur ta table. Si. Sur la table, sur le foyer, quelque chose de décoration. Si t'as pas ça sur ta table de Noël est pas complète. Ouais. Mais je te jure, personne va en avoir mangé. Personne. Pourquoi personne n'a mangé? Peut-être que quelqu'un va en avoir coupé, si bon. Mais... Ouais, c'est ça. C'est dur un peu. C'est pas... Quand c'est frais, c'est pas mauvais. Oui, non, ça, je suis d'accord avec toi. Mais c'est rarement frais. C'est ça. Achète-en un neuf, peut-être. Je pense que ça vient du fait que dans le temps, nos grands-parents mangeaient ça, mais ils fumaient, tu sais, là. Tout le monde fumait à l'intérieur dans ce temps-là. Fait que le gâteau aux fruits, là, dans ma tête, c'est associé avec l'odeur incompréhensible du tabac. C'est encore plus déplaisant. C'est ça. Bref, pourquoi est-ce qu'on monopolise ta chronique comme ça, je sais pas. Mais il fallait poser la question s'il y avait un gâteau aux fruits en Afrique. Ça. Exact. Et c'est ça. Nous a amené c'est là. Ça. Maintenant, de retour à Dominique, notre avocat. Non, mais en fait, bon, il n'y a pas de gâteau aux fruits, mais bon. Généralement, c'est des repas classiques quand même à Noël, mais on a aussi peut-être des bûches aussi, tu vois. Juste des bûches. Mais il n'y avait pas de gâteau en tant que tel. Ben, celui-là, mais chacun faisait son gâteau à sa sauce, en fait. Tu vois, il y avait des gâteaux aussi pour Noël, des gâteaux, des crêpes et tout, tu vois, comme période de fête, c'était ça. Ça a l'air délicieux. Des tartes, est-ce qu'il y a des tartes? Des tartes, pas chez moi spécialement, mais je pense que peut-être d'autres personnes préféraient faire des tartes ou des pâtisseries de ce style-là. Mais n'empêche que c'est sûr que pour Noël, la table était toujours bien, tu finissais plein, tu prenais, c'est sûr, tu veux. Bon, ce que tu veux, et puis voilà, c'est période de fête et tout, donc. Donc c'est ça, donc je pense. Mais après, je sais pas les montants exacts qui sont dépensés par année. Mm-hmm. Mais là, en ce moment, je sais que cette année, l'iPhone, je sais pas, 8 ou X, ouais, ça sera vraiment le cadeau par excellence que, qui va... À soi-même, surtout. À soi-même, surtout, parce que, bon, j'ai, en tout cas, ça dépend, ça dépend. Ça je pense dépend. Que certains parents vont peut-être l'offrir à peut-être leur conjointe, ouais, ou je sais pas. Mais là encore, ça dépend. Ça dépend vraiment des familles. Vraiment, vraiment des familles au prix qui coûte l'appareil, ça. Ça dépend des familles. Hein. Donc, voilà, on va passer à autre chose. Mm-hmm. Donc, on va parler des voitures qui sont made in Afrique. Okay. Parce que, voilà, je remarque qu'au fil à, ben, au fur du temps, il y a beaucoup de voitures africaines qui commencent à être fabriquées directement sur le continent. Et puis ça, c'est ben, au Nigeria, en fait. Il y a l'industrie locale a commencé à prendre de l'ampleur parce que c'est le gouvernement a augmenté les taxes sur les voitures importées, okay, pour faciliter la vente des voitures même locales. Ouais. Tu vois, donc du coup... il y a des constructeurs locaux qui créent des voitures et ces voitures là elles fonctionnent bien auprès des populations déjà par le prix, tu vois, déjà que c'est déjà moins cher et aussi du fait que ça correspond mieux à la réalité, tu sais, des personnes en fait. Donc c'est des voitures, bon, les matériaux sont pas les mêmes forcément que ceux qui sont utilisés en Europe, mais sont des matériaux qui sont tout aussi durables et qui sont surtout moins coûteux. Mmh. Et puis les pièces aussi, vu qu'elles sont déjà faites sur place, donc c'est encore plus facile de se procurer les pièces, c'est encore plus facile de les arranger que plutôt, tu sais, d'avoir, tu sais, un Porsche ou une BMW et puis commander les pièces, tu sais, en Europe, ça va prendre un mois pour venir ou je sais pas combien de temps. Tu sais, ça arrive à la douane, faut attendre encore. Donc ça commence à être long tout ça, tu vois. Donc ces voitures prennent beaucoup d'ampleur, tu sais, au Ghana, au Nigeria. Au Ghana, il y a une voiture qui a été mise en place, créée. Mm-hmm. On l'appelle la tortue, en fait. La tortue. C'est une voiture qui a, elle a vraiment une allure de tortue. Elle est vraiment, tu regarderas sur internet, ouais, elle a un physique quand même qui est spécial. En tout cas, elle a été faite au Ghana et c'est quand même une fierté de. Ok, oui, effectivement. Effectivement. des populations, donc les Ghanéens, ils aiment ça, ils sont fiers de leur voiture et tout. Donc, c'est tant mieux pour eux. En Afrique du Nord aussi, il y a des voitures aussi qui sont fabriquées, mais dans le style de voiture de course. Ok. C'est eux, ils aiment plus la vitesse et tout, donc au Maroc et puis en Tunisie. Lapin, j'imagine, mm-hmm, qu'on appelle. Non, je pense pas que c'était le lapin. C'était un nom, je l'ai pas, mais je reviendrai là-dessus. Ouais. Mais c'était pas le lapin, pas en tout cas. Mais une voiture qui va plus vite que la tortue. Ça, c'est sûr. Ouais. C'est sûr. C'était une voiture un roadster, là, comme quelque chose d'assez rapide. Mm-hmm. Et puis ça correspond bien un peu à la mentalité. Et puis. Parce que les Africains du Nord, les Nord-Africains, ils aiment bien les voitures assez rapides, comme les voitures du Golf et tout, c'est des Ferrari, du style comme ça. Mm-hmm. Donc ils aiment bien la vitesse et donc ils ont fait des voitures adaptées à leurs besoins puis à ce qu'ils recherchent, à ce que les consommateurs là-bas recherchent. Et puis ça a l'air de parfaitement fonctionner. Donc c'est tant mieux pour eux, quoi. Ben oui. Mm-hmm. Et puis, mais voilà, je pense que ça devrait aussi se développer, ça, tu sais, d'avoir beaucoup plus de constructeurs locaux. En fait, ça va déjà faciliter, permettre à tout le monde d'avoir, bon, pas à tout le monde, mais à la majeure partie de la population, ouais, à plus de gens de pouvoir se déplacer facilement, d'avoir son propre véhicule et puis à moindre coût déjà. Parce qu'on s'entend que, tu sais, vu le salaire moyen et puis les taxes aussi sur les véhicules, ça facilite pas vraiment l'obtention d'un véhicule, alors que là on en a besoin parce que les villes elles grandissent et puis les transports en commun ça dessert pas forcément efficacement toute c'est la partout pareil ça, les autobus, hein, les transports en commun là. Ouais. Oh mon Dieu. Donc je pense que tu devrais aller faire un tour et tu pour me consoler un peu de ça va plutôt bien la STTR, hein. Finalement on n'est pas si mal, c'est ça exactement, c'est pas si en retard que ça. C'est que donc c'est ça pour pour l'audiovisuel, pour les bus, pour les transports en commun, pour les achats de Noël. Et là on va parler un peu de, tu sais, un peu de YouTube, tu sais, de mes ouais, vidéos que voilà, j'ai un peu regardé les youtubeurs. Donc là j'ai découvert une fille qui s'appelle Tata Oscar. Okay. C'est elle fait un peu des sketchs un peu sur sur les relations hommes-femmes et tout. Donc, dans son dernier sketch, en fait, c'était que les femmes, elles savent jamais ce qu'elles veulent. Donc, là, elle était avec son chum, il voulait comme la câliner, elle s'est fâchée. Elle lui a dit non, tu sais, j'ai sommeil après. Mm-hmm. Donc, il laisse tomber. Et là, elle se fâche parce qu'il a laissé. Ben oui, évidemment. C'est sûr. Elle joue un petit peu sur le cliché, mais c'est dans l'exécution, j'imagine. Donc, c'est. Bon, là, en ce moment, ça, c'est la vidéo qui fait un peu le buzz. Le buzz sur Internet et tout. Et puis, ouais, elle est vraiment, vraiment marrante et tout. Donc, moi, ça m'a vraiment fait rire. Et puis, il y a aussi. Comment elle s'appelle déjà Ça s'appelle Sami Ouladito. En fait, lui, il fait des interviews, c'est-à-dire il est dans la rue et puis il arrête des passants, il leur pose des questions et tout. Bon, je crois que pop un peu. C'est ça. Donc je crois que sa dernière vidéo, c'était croyez-vous en l'amitié homme et femme, c'est-à-dire mettons, tu sais, il y a des passants et il leur tend un micro. Qu'est-ce que vous en pensez de c'est réalisé avec vraiment beaucoup d'humour. Tu vois comment il pose les questions et puis tu sais la réaction des passants, surtout c'est vraiment des fois c'est drôle, c'est vraiment drôle, tu vois, parce que c'est pas vraiment la même réaction et puis c'est différents passants, tu vois, en passant de l'étudiant au gars qui comprend pas français, il y avait un monsieur, je sais pas si c'était peut-être un cadre et tout, tu vois. Donc à la question, il a commencé à utiliser vraiment des termes de l'allemand. Dans le contexte actuel. Oui, c'est ça, exactement. Si on regarde ça comme ça. Et c'était quand même drôle parce que c'était juste une question toute simple. Là, il a commencé à utiliser des termes. Super sérieux. D'un point de vue économique et social, tout ça. Dans la réalité contextuelle de notre beau pays en 2017. Exactement. Ouais. Donc, je trouve vraiment que. Bon, il fait généralement ses vidéos dans ce style-là. Il fait aussi des sketchs, je pense. Il fait du stand-up aussi au Jamel Comedy Club aussi. Ah ouais. Donc. Il monte en puissance quand même. En tout cas, c'est quand même des millions de vues là, ces vidéos qu'il fait. Et puis moi, je les trouve vraiment ben fun. Et puis voilà, j'encourage aussi les personnes aussi à regarder. Et en parlant de vidéos, tu sais, l'Afrique a un incroyable talent à en donner son dénouement. Ok. Et donc, le gagnant est révélé. Le gagnant a été révélé. Donc, mais je préfère ne pas vous dire. Non, c'est merci, ça, ne vale pas les pages. C'est ça. Bon, menotte, là. Donc, pour que mais t'as suivi ça du début à la fin, là. Ben, en fait, après, faut savoir quand même que, tu sais, l'émission, elle dure quand même à peu près 2 heures, tu vois. Ouais. Je suivais, tu sais, par des bouts, en fait, de 30 minutes. Après, il y a mes candidats favoris qui étaient déjà éliminés, donc déjà, j'étais plus trop motivé. C'est ça, déception, c'est souvent ça. Pour regarder ça, mais voilà, félicitations au gagnant qui ne sera pas révélé. on va aller voir ça. Et on encourage les auditeurs à aller regarder ça, l'Africain incroyable talent. Ben, juste regarder la finale. Ouais. Je pense que ça va faire plaisir. Et puis les participants qui ont donné vraiment le meilleur d'eux-mêmes au cours de cette émission. Et puis, c'est ça, donc les auditions aussi... De l'année prochaine, elles vont être bientôt ouvertes. Mm-hmm. Et aussi, ça c'était pour l'Afrique, un incroyable talent. Et aussi, talent d'Afrique aussi. Ah, c'est une autre chose. Ça, c'est une autre chose. Ça, c'est au Québec par contre. Ok, ah oui, ok. J'avais parlé de l'édition passée. Ouais. Donc là, les auditions pour la 4e édition sont déjà ouvertes. Mm-hmm. Et puis, voilà. Les personnes qui sont intéressées, qui ont un talent et qui souhaitent le faire connaître. Page Facebook, j'imagine. Ouais, ils ont une page Facebook, Talent d'Afrique, sur Instagram et tout. Donc voilà, c'est ça. Pour ceux qui ont un talent, ben, n'hésitez surtout pas à aller. Puis ça ferait plaisir pour nous de vous connaître un peu. T'sais, moi, j'aime bien aller à ça. Ben, j'étais allé l'année passée, c'est sûr que si je peux, j'irai cette année. En fait, pour la prochaine édition, j'ai trouvé ça vraiment cool. Et puis c'était vraiment bien fait. C'est un beau show en tout cas. Et puis voilà. Donc c'est ça, c'est Talents d'Afrique qui clôt notre émission. Génial, on te retrouve toutes les semaines pour Voix d'Afrique, Dominique Nodemavungu. On te suit aussi sur Instagram et un peu partout pour les liens, entre autres de ce que tu as mentionné aujourd'hui. Okay. Et puis tu postes des petites vidéos de tes chroniques, donc c'est vraiment le fun. Et on se retrouve, c'est mardi prochain à 8h30. À 8h30. Dominique Note Mavungu, merci beaucoup. Merci beaucoup. Bonne journée. Bonne journée. On va ralentir notre émission un petit peu. On va mettre un frein à tout ça. Mais pas trop. Pas comme une voiture tortue. Non. La voiture tortue, on va la laisser aller à sa vitesse déferlante. Et on va entendre Ben Sinister avec Move a Little Slower. À Assemblage Rookie. Spend my days without you standing by my side, and I wonder when my feelings won't give up and hide. You caught up in these fast times and I feel left behind. If only I could speak my heart, I'd say what's on my mind. 'Cause if it is your plan, does it make me less a man? What's life? To you, ooh, ooh, and we go. want to tell you, you, if you want to do me too, ooh, all the things I want to do to you. Avec Pink Kimono. Restez le Move a Little Slower de Ben Sinister, un petit bloc de deux pièces classiques des Panthers. On aime ça, oh, ces pièces-là. À au retour, Jimmy Thibodeau avec Gauchère Bévu. À son âge requis, pour toi aujourd'hui, à son âge requis. C'est assez fou. Pour l'écouter. Pour plus d'informations, visitez cifou.ca. Assemblage requis. Pour toi aujourd'hui. Assemblage requis. Troisième heure d'Assemblage requis en ce mardi matin, 5 décembre 2017, elle est Tania Baudin. Et Mathieu Plante. Mm-hmm. Dans cette troisième heure, on va voir entre autres Marc-Olivier Dumas, plus tard avec la chronique Sport effiloché. Mm-hmm. Dans quelques instants, on l'a dit, on va déboulonner les mythes de la gauche, les idées reçues de la gauche dans Gauchère Bévue. Avant ça, par contre, on a le temps, juste assez de temps en fait, pour faire notre petite chronique des palmarès, c'est fou. Et à chaque fois qu'on se rencontre dans cette chronique des palmarès, il faut on prend une petite chronique puis on se la faufile avec la musique de palmarès. Exactement. Tout ce qu'il y a de plus simple. Ailleurs, on a fait du C'était fou, on est retourné dans le passé. Et cette fois-ci, on retourne dans le passé aussi, mais un petit peu plus près de nous, en fait, parce qu'on va aller dire au revoir aux pièces qui nous ont quittées depuis les précédents palmarès dans la chronique Palmer Rest in Peace. Donc, on s'écoute ça à l'instant. Palmer Rest in Peace. Just mountains of change. Voici les pièces qui nous ont quittés depuis les précédents palmarès. It's a dog eat dog world. It's a dog eat dog world. It's a dog eat dog world. It's a dog eat dog world. It's a dog eat dog world. It's a dog eat dog world. Décembre 2017. On a commencé tout ça avec la bronze et on danse par en dedans qui restait là pendant 6 semaines. Danse. Durkheur a dit assez, c'est assez, fait que la pièce assez, c'est assez a duré 7 semaines. Et on a mangé avec The Soldiers Orchestra avec Doggy Dog qui restait là pendant 6 semaines. Maono a dit non.com à la chanson Comme qui a duré 4 semaines. Ah, les matins sont difficiles avec Pierre Quenders et Bittersweet Mornings qui restait là pendant 6 semaines. Et Laura Sauvage est retournée sur sa planète avec Alien Anything Like It Have You qui a duré 7 semaines. Voilà, pour Palmarès in Peace, on a dit au revoir aux pièces qui nous ont quittés depuis les précédents palmarès. C'est ce qu'on fait dans le blog des palmarès. C'est fou une fois de temps en temps quand ça adonne. Et maintenant, ben, quelqu'un qui adonne pas mal toujours à la même heure chaque semaine, hein, parce que c'est sa case horaire prédéterminée. c'est notre excellent chroniqueur Jimmy Thibodeau, qui est là avec ses gauchères bévues. Salut, Jimmy! Ben, bonjour! Comment vas-tu? Ça va très bien, ça va très bien. Cool, lui, oui, vas-y. Ben, on va s'amuser ce matin avec un concept super intéressant, mais oui. Il a l'air de prendre des notes en ouais, ce moment. Ouais, c'est ça, je veux dire. Ouais, sérieux. Je suis en train de faire mon plan puis tout, là. Ah, ouais, waouh. Wow. Est-ce qu'il y a des embranchements, des. Pas tant sérieux, parce que d'habitude, le plan, je le fais avant, tu sais, mais moi aussi, je le fais en direct. Donc, okay. Ça va être encore plus naturel. Est-ce que tu veux qu'on te laisse, genre, le temps de nous expliquer ce que tu es en train de faire? Genre, on veut être dans ta tête, là, tu es en train d'écrire, premièrement, avec la main ben gauche. Oui. Déjà, c'est un gars de la gauche qui critique la gauche et en plus. Et en plus, il est gaucher. Il est gaucher. Ben oui. Mais non, en fait, je vais vous parler d'appropriation culturelle aujourd'hui. Ce sujet-là, ben oui, j'entre là-dedans. Et ça va être encore une fois controversé. On dirait que tu cours après le trouble. Ouais, je cours après le trouble tout le temps. Mais ce qui est drôle, par contre, avec l'appropriation culturelle, c'est que c'est controversé même dans la gauche, là. Ouais, c'est ça. Fait que c'est quand même vraiment. Je me ferai pas lancer des tomates par tout le monde de la gauche. Je vais quand même. Ça, c'est typiquement italien. Si tu commences à lancer des tomates, c'est tu veux faire de l'appropriation culturelle italienne. Ah, mon Dieu. Exactement. T'as tout compris. Ben, c'est ça. Dans le fond, on a déjà une bonne petite définition de l'appropriation culturelle qui attend les tomates, n'est-ce pas? Mais bon, je vais vous en sortir une officielle, là, celle de Wikipédia, qui est très, très bonne. Ben, en fait, c'est un concept qui est comme. Qui a démarré dans les universités américaines, dans les milieux académiques américains. Puis qu'est-ce que ça dit dans le fond? Ben, je vais vous le lire, là. C'est l'utilisation d'éléments d'une culture par les membres d'une culture dominante. Oui. Donc, c'est ça. Donc, ça serait respectueux pour la communauté minoritaire. Il y aurait une forme d'oppression, une forme de d'assimilation même, qui permettrait... ça permettrait aussi beaucoup de caricatures des fois. Mm-hmm. Par exemple, le fait que des Blancs nord-américains se promènent avec des plumes sur la tête, c'est pas respectueux. Ben, c'est ça, il y a une différence entre... c'est sûr que Wikipédia l'explique sûrement plus en détail plus loin. Il y a une différence entre faire quelque chose par hommage parce que ça te tente de le faire versus le faire parce que tu veux imiter l'autre ou en rire en faisant ça. Certainement. T'sais. Oui, tout à fait. Puis c'est sûr qu'il y a des formes d'appropriation culturelle, tout le monde va être contre, des formes d'appropriation, tout le monde va être pour. Évidemment, le blackface, mettons, on sait que c'est tout le monde, la plupart des gens. Tout le monde est contre, effectivement. Mais parce que ça, il y a une connotation historique vraiment extrême. Là. Ouais. Ça a été fait depuis le début de l'histoire par rapport à ça. Ça a été fait pour caricaturer les Noirs, donc c'est vraiment pas utilisé aujourd'hui, évidemment. C'est pas super cool, même s'il y en a vraiment que j'ai vu à l'Halloween défendre le blackface avec ferveur. Non, ce n'est pas du racisme! Ouais, c'est ça. Ouais, mais en même temps, t'es en train de fumer un cigare, t'as la face déguisée noire. Ouais. Moi, je pourrais. Tu fais un accent africain. Ben, c'est vraiment. Pas mal raciste. Ça vient la plupart du temps avec de la caricature. Est-ce que la blackface, c'est mal en soi? Non, y a personne qui va dire que c'est mal vraiment. En soi, mais c'est vraiment par rapport aux circonstances historiques, c'est vraiment comme de l'irrespect, c'est un... Ben, c'est pas mal pour en rire. Ouais, mais c'est genre... c'est inapproprié, c'est vraiment comme quand on dit que c'est... T'sais, comme pas délicat, je sais pas, je cherche un peu le mot, là, c'est insensitive. Insensitive, c'est exactement le mot en anglais qu'on cherche. Ça manque de sensibilité. Exactement. Donc voilà, c'est un petit peu pour ça que le blackface est mal, mais ça, on s'entend là-dessus. Exact. Puis il y a plein d'exemples comme ça qui sont effectivement tout à fait bons, pas de mauvaises appropriations culturelles. Ben, ça dépend, il y en a qui sont comme exactement entre les deux. Il y en a qui vont dire, on a déjà parlé de ça, mais les dreads là, pour les Blancs. Les dreads aussi. Oui, c'est un exemple que je t'ai pas. Alors qu'il y en a que c'est un hommage, il y en a qui disent que c'est parce que j'aime ça puis je trouve ça beau. Oui, exactement. Ça, c'est vraiment entre les deux, je trouve. Mais est-ce que. OK. Ben, on va même, juste avant d'aller dans les exemples comme ça concrets, super intéressant, peut-être juste dire pourquoi, dans le fond, l'appropriation culturelle, c'est mal pour certaines personnes, plus précisément. Il y a deux arguments principaux, là, j'ai l'impression. La première, c'est que on peut faire des stéréotypes, on peut créer des stéréotypes avec l'appropriation culturelle. Puis en prenant les concepts culturels des autres, ce qu'on peut faire aussi, c'est transformer le concept contre le gré de la communauté culturelle qui l'a créé. C'est sûr, par exemple, les trucs de plumes sur la tête, c'était pas juste un truc de fête avant de se mettre des plumes sur la tête. Donc, c'est sûr que c'est un peu déformé que l'usage et tout. Ouais. Donc, ça, c'est pas apprécié des communautés culturelles d'origine. L'autre truc aussi, c'est que l'appropriation culturelle, ça serait important. Pourquoi? Pour maintenir la distinction entre la communauté culturelle minoritaire qui a le concept culturel puis la culture culturelle dominante. C'est sûr que si on utilise toutes les caractéristiques culturelles, les concepts culturels des Autochtones, ben, sur quoi les Autochtones vont pouvoir se distinguer des autres, donc, ils vont perdre un petit peu leur identité. C'est une autre crainte qui motive l'appropriation culturelle, selon ses défenseurs. Donc voilà, deux arguments assez importants. Mais là, déjà, on voit que... est-ce que vraiment ça délégitimise toutes les formes d'appropriation culturelle? Parce que, mettons, si on n'est pas... On fait pas du stéréotype, si on fait pas... on continue de garder de respecter la propriété intellectuelle des autres, puis la reconnaître que c'est en fait, ça vient d'une telle culture, puis si on a ce respect-là, puis on ne caricature pas, tu sais, à quel point c'est mauvais. Donc, il y a des exemples vraiment absolument ridicules, à mon sens, qui sont ressortis dans les médias, où c'était de l'appropriation culturelle. L'idée des Rastas, c'est vraiment, vous l'avez dit, puis c'est revenu très souvent, en effet. Parce que la raison pour laquelle les Rastas, à la base, existaient, c'était pour quelque chose, il y avait une raison derrière ça. Fait que là, en faisant ça, c'est comme de minimiser l'impact de... Ouais, ben ça faisait partie de la culture jamaïcaine à l'époque, là. Ben même encore aujourd'hui, évidemment. Mais... c'était plus un élément culturel. Ben, est-ce qu'il y avait une raison en tant que telle? Ça, je me rappelle plus, je pourrais pas vraiment dire. Mais ce qui est vraiment aberrant là-dedans, c'est que des fois, il y a des gens où, des moments où les gens sont vraiment intimidés parce qu'ils étaient blancs et qu'il y avait des rastas. Il y a eu un moment, entre autres, qui a été filmé dans une université américaine où un jeune s'est vraiment fait intimider par une autre étudiante d'origine afro-américaine pendant vraiment plusieurs minutes. Puis c'était vraiment comme de l'intimidation assez agressive. Fait qu'on peut se demander ben, jusqu'où ça va ce truc-là. Est-ce qu'on vraiment fait une sorte de censure violente de toutes ces utilisations-là de culture des autres? C'est ça. Si tu commences à demander, genre, je sais pas, j'essaie de voir les deux côtés, hein. Mais tu sais, si mettons, tu dis que bon, les blancs doivent faire ce qui a toujours été blanc et les noirs peuvent continuer de faire ce qui a toujours été noir, mm-hmm. Ça fait pas un petit peu raciste en tant que tel de dire chacun de son bord? Ben, tout à fait. Ouais. Tu anticipes tout à fait une de mes critiques qui s'en vient. C'était une de tes sous-branches de ton diagramme, hein, c'est ça? C'était une des sous-branches de mon diagramme, ben oui, ben oui. Mais c'est très, très bien. On discute comme ça, puis c'est génial. Puis je vais revenir évidemment là-dessus, mais c'est un très bon point. Pas obligé d'être dans l'ordre, tout ça. Autre exemple, ben c'est sûr, c'est une chronique un peu plus discussion, évidemment. C'est pas nécessairement obligé d'être une présentation systématique. Même si nous autres, on aime bien ça, ça va où on s'en va. Ben, c'est ça. Un autre exemple assez intéressant, par exemple, il y a un musée des Beaux-Arts aux États-Unis qui a préféré une présentation sur le kimono. Okay. Puis les gens ont dit non, c'est de l'appropriation culturelle, ça a été fait par des blancs, fait que là, c'est pas bon. Ok, ben, j'avoue qu'il pourrait y avoir un rôle de consultant d'origine pour pouvoir les aider à faire leur exposition sur le kimono, mais de là à dire que c'est clairement une exposition, donc c'est clairement, c'est sous-entendu que c'est un hommage au kimono. La propriété culturelle est respectée ici, parce qu'on reconnaît clairement de l'origine culturelle du concept. Première chose. La deuxième chose aussi, c'est il n'y a pas vraiment de stéréotype. Là, on présente objectivement l'histoire du kimono dans le musée des Beaux-Arts en question. Oui. Là, donc, il est où le problème? C'est assez difficile de le voir, à mon sens. Il n'y a pas vraiment, oui. Si ça, c'est de la appropriation culturelle, quelque chose d'aussi objectif et neutre. Imaginez ce que c'est le karaté, par exemple, à Trois-Rivières, enseigné par des hommes blancs pour des femmes blanches. Souvent, c'est des hommes blancs encore aujourd'hui. Par exemple, le prof de karaté, mais il y a des femmes personnes aussi. Blanches. T'sais? Des personnes blanches, puis enseigné aussi à des personnes blanches la plupart du temps. Non, ça a-tu du bon sens, cette affaire-là? Il n'y a pas de limite, là, c'est vraiment... En temps normal, là, messieurs, j'ai vérifié l'historique des cheveux Rasta. parce que, bon, les dreads, en fait, ça vient de la religion des Rasta, qui était contre la guerre. OK. Donc, c'est pas mal tout ce qui ressort de ça. Et sinon, ça vient des Égyptiens. Ah bon? Ben voilà. C'est l'appropriation culturelle des Égyptiens. C'est ce que ça veut dire? Les Jamaïcains, appropriation culturelle des Égyptiens, que voulez-vous? Tu vois? Non, mais... Mais c'est assez tout vient de quelque part, on s'entend. Mais c'est assez compliqué aussi de faire une sorte de séparation culturelle de ceux qui peuvent faire des rastas, ceux qui peuvent pas, parce que les rastas, c'est quand même une coiffure, une technique de coiffure quelconque. Puis il y a plein de choses qui ressemblent plus ou moins à des rastas aussi. Ouais. Jusqu'où on s'arrête, par exemple, les tresses serrées, toutes serrées. Ben, à la base, les dreads, c'est des tresses. Et par la suite, tu vas remettre des cheveux qui poussent par-dessus. OK. Ben, c'est ça. Puis même aussi, les petites tresses, quand on couvre les cheveux de tresses, c'est aussi quelque chose qui est très afro-américain aussi, la plupart du temps aussi. Fait que ça aussi, c'est de l'appropriation culturelle. Fait que, à un moment donné, la ligne est vraiment floue. Puis si on se met vraiment à délimiter tout le temps ça de manière vraiment extrême, on se ramasse exactement avec ce que tu as dit. Là est mon point. Ah. De ségrégation culturelle, tu sais, parce que oui, on veut garder la distinction entre les cultures, c'est bien beau, mais en même temps, on se met vraiment à distinguer les ethnies puis les cultures. Ouais. Puis en fait, c'est un petit peu comme le problème avec la discrimination positive des fois. Mm-hmm. Tu deviens plus nécessairement une personne en tant que telle, puis on te regarde plus pour ta race, exactement. Tu deviens ton ethnie, puis tu deviens ta culture, puis tu deviens rien de chose, tu te réduis à ça tout le temps. Mm-hmm. Donc, tu deviens littéralement le token black person, comme on appelle des fois dans le domaine. T'sais. Exactement. Pourquoi tu as le droit de porter des rastas? Ben parce que tu es Jamaïcain, tu sais, c'est puis que tu es noir, c'est tout. C'est vraiment, puis il y a une forme de racisme là-dedans, je suis très d'accord. Et c'est drôle parce qu'on le fait seulement avec les races, parce qu'en tant que tel, il y a personne qui dit genre, ok, c'est de l'appropriation culturelle que tu portes une coiffure, je sais pas, punk. Mm-hmm. Parce que c'est dans ta même ethnie. C'est ça. Puis un autre problème avec ça, c'est, tu sais, la culture, ça a jamais marché comme ça en réalité. Il y a toujours eu un métissage. Puis l'évolution de la culture, c'est quelque chose qui se fait par métissage. On est supposé tous ensemble et faire un melting pot, mais ça, faudrait pas. Ouais. Il ne faudrait pas que ça se mélange. Imaginez des... il y a des exemples aberrants comme ça. Si on avait suivi le principe de la non-appropriation culturelle, qu'est-ce que ça aurait fait? Les armes à feu, par exemple, la poudre noire, la poudre à canon, ça a été inventé par les Chinois. Est-ce que les Européens, quand ils ont découvert ça, ils auraient dû dire « Ouais, ben c'est Chinois, tu sais, il faudrait pas prendre leur idée parce que c'est leur culture, puis tout, là. Mm-hmm. » Il faudrait qu'on arrête d'enseigner l'origami aussi aux enfants à la garderie, c'est ça. Parce que là, à un moment donné, la poudre à canon et tout, ben c'est un exemple parmi d'autres, mais ça a permis de créer les armes à feu d'aujourd'hui. Mm-hmm. Ça a permis des évolutions technologiques vraiment incroyables. Peut-être pas toujours pour le mieux, évidemment, parce que ça a rapport souvent avec la violence, la poudre à canon, mais ça a aussi rapport avec les feux d'artifice, etc. Mm-hmm. Donc, il y a quand même du bon, là. Puis, toutes sortes d'explosions en chimie et tout. Donc, ça, c'est pas nécessairement mauvais. Puis, un autre exemple très plus culturel encore, plutôt que technique, c'est, par exemple, le rock. Et puis... la culture Elvis Presley. Mm-hmm. Où c'est qu'il a pris ses idées de musique? Elvis Presley s'est inspiré de quoi? Il s'est inspiré du blues. Le blues? Ouais. Le blues qui est d'origine afro-américaine, exactement. Est-ce que Elvis Presley aurait dû juste pas se fier à ça puis aurait dû rien faire? Ben non, parce que ça a permis de faire connaître un peu plus le blues. Puis se brasser les hanches, ça appartient aux femmes. Ah. On fait pas ça, c'est une appropriation de genre. Ben, c'est intéressant parce que aussi, c'est vraiment un super bon lien que j'avais pas nécessairement vu comme ça parce que effectivement, est-ce qu'on devrait faire ça aussi pour les genres? C'est la même affaire. Ben oui, exactement. Est-ce que des choses qui sont exclusivement féminines, des choses qui sont exclusivement masculines, si on va vers ça, on se met à effectivement séparer comme très très. C'est prends ton trou, ça. Ben on sépare très très distinctement les genres, puis à ce moment-là, qu'est-ce qu'on fait des transgenres, de ceux qui sont un petit peu entre les deux? Est-ce que les gens qui veulent neutraliser le genre dans l'espace public, qu'est-ce qu'on fait avec ça? Ben non, les gens, avec ces concepts-là, on va se ramasser vraiment à séparer radicalement les femmes et les hommes. Ouais. Et on arrive à un résultat qu'on voulait pas au départ, c'est-à-dire vraiment comme stéréotyper les femmes et les hommes à un moment donné. Chacun sa caractéristique précise. Ben c'est ça, parce que là, c'est un autre point aussi. Non seulement il y a de la ségrégation un petit peu culturelle là-dedans, mais en plus, puis on veut éviter les stéréotypes avec la non-appropriation culturelle, mais en même temps, on contribue un peu à ça, à créer des stéréotypes, parce que c'est juste les Noirs jamaïcains qui ont des rastas, c'est juste les Amérindiens qui ont le droit de mettre des plumes sur la tête, c'est juste ça. Le rap, on l'est pas. Le rap, c'est juste noir. C'est ça. Ben, on contribue à des stéréotypes à ce niveau-là aussi, fait que garder la distinction entre les ethnies et les cultures, à un moment donné, on en fait peut-être trop avec la non-appropriation culturelle. Puis les stéréotypes, ben, en faisant ça, on contribue peut-être à la stéréotypisation, si ça existe ce mot-là, des cultures, tu sais. Fait que je suis pas trop sûr si on vise juste à ce niveau-là. On ambitionne un petit peu. Il y a vraiment des gens qui sont sur Facebook en permanence à longueur de journée à juste crier à l'appropriation culturelle ou au racisme, alors qu'il y en a pas tout le temps. Exactement. T'sais? Mais par contre, ce qui est intéressant, puis j'aimerais quand même... départager certains cas où il y a vraiment comme quelque chose qui ne marche pas. Ça, c'est une sous-branche de son dialecte. C'est ça. Voilà. Exactement. Puis ça, c'est par exemple l'exemple, quelque chose qui ferait réagir tout Québécois, n'est-ce pas, l'exemple de la poutine. Qu'est-ce qu'il y a avec la poutine récemment? Ça s'appelle de plus en plus le plat national du Canada. Mm-hmm. Puis ça en ferait sourcier plus d'un. Oui, avec le fromage râpé. Avec le fromage râpé. C'est pas juste considéré comme le plat national du Canada. Ben, premièrement, à la Maison-Blanche, ça avait été servi officiellement à Justin Trudeau parce qu'on pensait que c'était le plat national canadien. Ah, bon. Puis aussi, s'il y a un festival de la poutine à Toronto, qui est vraiment très gros apparemment aussi, jamais été non plus, mais il y a un très gros festival de la poutine à Toronto, donc c'est ça. Mais à ce moment-là, si on appelle ça un plat canadien, puis on dit que c'est les Canadiens qui l'ont inventé, c'est de l'appropriation culturelle peut-être, c'est dans ça. Le sens où là, qu'est-ce qui arrive? Ben là, c'est les Québécois qui l'ont inventé, on veut pas dire que c'est les Canadiens, c'est un concept culturel, c'est une œuvre culturelle qui nous appartient à nous, qui appartient pas à tous les Canadiens, puis si on aimerait ça se faire reconnaître que c'est nous qui l'avons. Canadien sinon? Ben, ça serait rien pantoute parce c'est que ça, chinois. Parce que la culture canadienne, c'est une vraie joke puis c'est un mensonge. C'est... Oh! OK! C'est une construction artificielle, mais bon. Ouais, non, je peux comprendre le point. Mais mettons, là, on parle planète poutine, mettons. Okay. Ouais. Invente une poutine avec genre du bœuf haché, de la sauce piquante, ou tu sais, genre tacos, tu sais. Ouais. Fait que là, on fait de l'appropriation culturelle mexicaine dans la poutine. Exact. Et la poutine devient assimilée à la culture mexicaine. Fait que c'est l'appropriation culturelle du Québec au Mexique. La tête va t'exploser. Ben, c'est quand même un gros problème. Mais il y a quand même, je pense, des guidelines, des critères qui nous permettraient de déterminer qu'est-ce qui est bon, qu'est-ce qui est mauvais. Dans le cas de la poutine, ce qui me semble être clair ici, c'est que la notion de propriété culturelle est bafouée. Parce qu'il n'y a personne qui va être contre, je pense, le fait que... Que c'est frites maison pas faites congeler. Ben, ouais. Non, mais genre, le fait que les Canadiens en mangent puis aiment ça, c'est pas quelque chose qui est mauvais en soi. Les Canadiens ont le droit d'en manger comme ils veulent, évidemment, les Canadiens anglais. Mais par contre, ce qui semble être pas fait ici, c'est le fait de considérer que c'est québécois, puis des fois, il y a le raccourci qui est fait que c'est canadien exclusivement. Ouais, puis tu on le voit dans les articles français qui parlent des Québécois, c'est tout le temps genre le canadien, c'est à l'affaire, c'est rarement le québécois. Puis là, je tiens à préciser que c'est pas juste un débat de souverainistes puis de fédéralistes. C'est pas tous les fédéralistes qui vont être d'accord avec le fait d'appeler ça un plat canadien national, pas du tout. Parce que la plupart des fédéralistes qui ont du bon sens et qui sont pas trudeauistes vont considérer que le Québec était une nation, même Stephen Harper a reconnu que le Québec est une nation distincte. Donc à ce moment-là, si le Québec est une nation, comme la plupart des gens raisonnables vont l'avouer, ça j'insiste là-dessus, les gens raisonnables, ben si tout le monde est capable d'accepter ça, ben évidemment il y a appropriation culturelle dans le sens où ça a été fait par une nation distincte, les Québécois, puis il faut le reconnaître, à Toronto il faut le reconnaître, il ne faut pas dire que c'est un plat canadien, non c'est pas un plat canadien, donc il faut reconnaître la propriété intellectuelle, donc ça me semble être un critère autrement dit qui permet de savoir s'il y a de l'appropriation culturelle illégitime ou pas. Si Elvis Presley avait repris le blues puis tel quel puis dit « Ah, c'est mon idée, ça n'aurait pas marché. » Ouais, ok, je comprends, tu vois. Il faut, c'est une évolution. C'est ça. Il faut qu'il y ait, premièrement, une reconnaissance de la propriété culturelle. Puis ici, on veut le représenter tel quel, par exemple, le kimono dans le musée des Beaux-Arts, il faut être neutre puis pas dans les stéréotypes. Ça, je pense, c'est un autre critère. Si on veut vraiment représenter tel quel et rendre hommage, il faut vraiment pas faire des stéréotypes et reconnaître la propriété intellectuelle. Je pense que c'est important. Puis enfin, une autre chose, si tu veux faire quelque chose avec ça, il faut que tu apportes au moins quelque chose de nouveau. Il faut pas que tu copies. Comme Elvis Presley a fait quelque chose de nouveau, il a clairement été dans le rock, c'est pas juste cantonné dans les vieux standards du blues, évidemment, il a fait quelque chose de nouveau là, ça c'est clair. Donc voilà, il faut ça fait partie de l'ordre des choses là, quand on reprend un concept culturel, c'est normal de maintenant le reprendre et puis d'en faire quelque chose de nouveau, c'est comme ça que les cultures marchent, interagissent entre elles. C'est tout à fait sain, mais à ce moment-là, il faut reconnaître la propriété puis apporter soi-même quelque chose, pas juste réutiliser les idées des gens comme ça à tout va. Là. Ça n'a pas de bon sens. Mais c'est sain dans le fond. C'est quelque chose que je pense qu'il faut encourager dans la vie parce que reprendre l'appropriation culturelle, autrement dit, ça a du bon dans le sens où ça permet aux cultures de faire des échanges, tu sais. Puis c'est quelque chose, je pense, qui a fait... qui caractérise bien aussi l'amitié entre des nations. L'appropriation culturelle, si je peux dire, mais en tout cas l'échange, d'une manière moins péjorative. Donc voilà, c'est important quand même. L'appropriation culturelle, je pense que ce concept-là est intéressant, mais il était utilisé à toutes les sauces. Puis clairement que la plupart des cas d'appropriation culturelle vont beaucoup trop loin. Mais il y a quand même certains trucs qui sont bons là-dedans. Évidemment, le respect de la propriété intellectuelle et ne pas faire de stéréotypes. Oui. Mais voilà, donc en gros, je pense que l'appropriation culturelle, l'intention était peut-être bonne au départ, mais c'est allé clairement trop loin. Puis c'est quand même dommage que... Puis c'est drôle parce que ça a été fait où, ce concept-là? Ça a été fait dans par les universitaires bien-pensants et blancs des États-Unis. Quand même, dire que les plus offusqués là-dedans sont ceux qui sont offusqués pour les autres. Exactement. Fait que ce qui me fait dire, c'est très drôle, la petite bourgeoisie nord-américaine qui se croit au-dessus des autres, une sorte de puritanisme moral incroyable. Je pense que c'est vraiment à un moment donné, on peut réutiliser leur argument contre eux puis dire à un moment donné, tu te mets un petit peu au-dessus des autres puis tu fais comme si tu étais moralement supérieur aux autres, mais c'est dans les autres cultures que tu essaies de défendre. Pourtant, l'appropriation culturelle, il s'en a toujours fait, puis c'est normal. Fait que, moi, je pense qu'il y aurait des questions à se poser à ce niveau-là. Tellement. Donc voilà. 10, 3 personnes blanches. Exactement. Mais ça, tu vois, c'est un problème en général, que ce soit en philosophie, en politique ou quoi que ce soit. Moi, c'est ton white privilege qui parle, c'est ça. Puis. Ça a juste d'exister pour eux. Ça a juste pas de bon sens. Toujours critiquer quelqu'un sous la base qui est blanc. Tout le temps. Faut se sentir coupable d'être blanc. C'est ça. C'est quelque chose qu'on peut quand même ressortir très bien aux universitaires américains blancs, par contre, parce qu'ils l'utilisent comme ils le veulent. Là. Mais Par contre, en général, là, tu peux pas dire à quelqu'un ton argument est invalide parce que t'es blanc puis t'imposes ta vérité de blanc dominant. Tu sais, ça a juste pas de bon sens. Toutes les cultures ont le droit à prétendre à la vérité puis prétendre à l'originalité. Fait que c'est sûr que c'est quelque chose qui a juste pas d'allure. Faisons juste nous. On peut peut-être juste nous respecter entre nous. Can't pis, we all just get along? Exactement. Mm-hmm. Puis se considérer comme des personnes et non comme des gens issus de communautés culturelles qui essaient de se dominer les unes les autres. Là. Ben, ça, c'est raciste. Ben, c'est ça. Commencer à se considérer comme des personnes puis se considérer d'égal à égal dans un dialogue pacifique, n'est-ce pas? Ben, c'est beau, ça. Voilà. C'est beau, ça. Jimmy Thibodeau, toujours génial de parler avec toi. Ben, c'était un plaisir de parler avec vous aussi, également. On se refait ça. C'était excellent. La semaine prochaine, je dirais, moi. Ben ouais, on prend pas. Rendez-vous mardi à 9h? Mardi à 9h, c'est bon, c'est bon. D'accord, Gaucher, bienvenue avec Jimmy Thibodeau. Merci beaucoup. Ben, merci à vous. On écoute, tiens, on a marché sur des œufs avec ce sujet-là quand même. C'était un sujet assez sensible, comme on l'a dit. C'est comme marcher sur des cendres fumantes. Donc voici Walking on the Burning Coal de Gogol Bordello. Sur C'est fou! 89 FM! I was walking on one cloudy morning with a certain shadow on my soul. Underneath a shadow that was yearning, be done walking on the burning coal. Marcher sur des cendres fumantes, c'est aussi de l'appropriation culturelle. Hein? C'est pour ça qu'on l'a fait jouer. Tout à fait. À retour de la pause, on parle de sport avec Marc-Olivier Dumas et Sport et Filoché. À sondage de qui? Toi aujourd'hui. À sondage de qui? Assemblage de qui? vous êtes toujours dans l'émission Assemblage requis, accompagné de Mathieu Plante. Et de Tania Baudin. Certainement, Marc-Olivier Dumas s'en vient nous parler de sport dans quelques instants. C'est mais... confirmé. Avant ça, ouais, l'émission n'est pas sans fin. Non. Il nous reste seulement une vingtaine de minutes, 25 environ. Mais bref, on aimerait ça qu'elle soit éternelle. Oui. Mettons. Voici Éternelle de LAF. Assemblage requis. On veut qu'elle finisse, on a faim. Oui, exactement. S'il vous plaît. De jelly, on veut nager dans ce jello. Mets un smile dans ta jello. Pas temps pour la nostalgie, là j'suis dans le rap, y'a une porte de loup. Mets un smile, fuck les jellos. J'mets un sourire sur ta tour. Où on est chill, là on joue le jello. Monte au filage sur cette vélo, hey. J'marche, marche et sans rap, j'aurais pas faire. Quoi? J'aurais pas faire. J'vais aider les grands styles pour mes tas de frères. Yeah, pour mes gars, j'dois fumer ça, frère. J'bois une merde, j'ai déjà fait, fais un parfait. Mon sac, faites mon taf. Fais un tour en poil, mon détarfeur. Mais si je suis solo, je pourrais pas le faire. J'marche, perche sans grappe, j'aurais pas faire. J'vois élever les grands styles pour mes tas de frères. Yeah, pour mes gars, j'dois fumer ça, frère. J'bois et merde, déjà fight, fais un parfait. Mon sac, faites mon sac, faites mon taf. Fais un tour en poil, mon détarfeur. Mais si je suis solo, j'pourrais pas le faire. Sun class quand le sun clash avec les blancs becs s'atterrassent qui sipent le rhum flash. Genre campé avec mes amis go funny et slam du chapiteau. Chainsmoking c'est rapido while sipping bien au sol. Gros sexy contre aux aménages il fait chaud. Trop dans mon basement si j'ai encore mis ben trop tôt. Avoir la taille des nuages c'est le genre de substance qui se consomme juste en gros osso. Jamais trop oh. Éternelle requête on veut pas d'autre chose. Huitième étage du ciel lent comme un ghost. Smoke jamais trop. Can we slow it down, jamais trop oh. Éternelle requête, on veut pas d'autre chose. Huitième étage, j'ai lent comme un ghost. Smoke jamais trop oh. Hey. Hey, would you follow me now? Nelly Doug, c'est le grill. On est comme des styles. On est là comme on va déconner. Comme des comètes, tu nous connais. Le ciel s'illumine quand je vous vois tous groover. Je remercie aussi la mer puis le plancher. Pas besoin d'altérer mes veines. Que je vous aime, ça m'a blindé. Accompli comme complice dans la quête de mots dans une forêt interdite. À quoi bon le faire vite? Tant que le plaisir en vie c'est de viser. Ça va finir.

Non. Non? C'était un bel essai, Mathieu. Ton essai est correct, mais non. Donc, comme je le disais, c'est la pause de la fin de session de Noël qui arrive. Alors que les Patriots jouaient leurs deux derniers matchs de la partie automnale et eux qui avaient remporté leurs quatre derniers matchs, bien, ça a été un petit peu plus difficile la fin de semaine dernière. Bon. Pardon, trois derniers matchs contre UIT, deux défaites. D'abord, lors du premier match vendredi dernier, c'est une défaite de 4-3 en prolongation et peut-être un petit peu décevant. Les Patriots qui, avec un peu moins de deux minutes à jouer, menait encore 3-2 avant de voir Mike Robinson égaler la marque, faire 3-3. Donc les Patriots qui se sont inclinés dans ce match-là. Et ce qui est à noter, très très surprenant en fait, c'est qu'aucune pénalité n'a été décernée du côté des Patriots. Et en fait, la seule pénalité qui a été décernée, le match était terminé, c'est une pénalité de banc qu'on a décernée aux Ragebacks de UIT. Donc aucune pénalité dans ce match-là. Un match qui s'est joué dans les règles de l'art. C'est le fun, ben oui. C'est assez... Les petits garçons sages. Oui, c'est rare, surtout. C'est très, très rare. Parce que souvent, bon, il va y avoir... même si c'est pas des pénalités d'indiscipline, il va y avoir des punitions ici et là pour avoir fait trébucher, pour avoir accroché. Il va y avoir des punitions. Et là, il n'y en a pas du tout. Donc, c'est quelque chose d'assez rare. Cool. Lors du deuxième match entre les deux équipes, bien cette fois, c'est les Patriots qui ont joué du hockey de rattrapage. On a perdu 3-2. On tirait de l'arrière 3-1 en début de troisième période. On a réussi à réduire l'écart avec un but en avantage numérique de Jason Lavallée. Malheureusement, ça n'aura pas été suffisant. C'est une défaite de 3-2. Les Patriots qui sont seulement 1-4 dans ce match-là, il y a eu un petit peu plus de pénalités dans ce match-là. Pas difficile à battre. Ils se sont repris. Normal, ce coup-là. C'est ça. Les arbitres avaient peut-être dit que ça suffit de ranger le sifflet. Là, on va siffler un petit peu plus. Donc, c'est ça qui mettait fin à la partie automnale des sports universitaires. Ben, des Patriots, oui. Ouais. C'est drôle parce que tu disais en rond que l'improvisation, c'était pas un sport, malgré les points, les finales, les pénalités, l'improvisoire, puis l'aspect physique. C'est pas un sport. Ça a été, savais-tu que ça a déjà été les Patriots Impro? Il y avait des Patriots Impro. Je jure. Oh, ouais. Hein? Quand fait que, dans le temps. Hein? Dans le temps, là. J'étais même pas là, imagine comment ça fait longtemps. Hein? Proof or never happen. C'est ça. Mais non, c'est ça. Donc, la partie optionnelle de la saison est terminée pour les Patriots. Le prochain match, c'est le 5 janvier. Donc, vendredi, le 5 janvier, au retour des fêtes. Ouais. C'est contre Concordia, le match aura lieu au Colisée. Par la suite, le lendemain, au Colisée contre RMC. Et on va avoir plusieurs matchs en semaine, en fait, à partir de janvier. Le 10, un mercredi. Les Redmen seront en visite. Le 17, c'est les Stingers de Concordia. Le 24, c'est les GGs d'Ottawa. Le 31, c'est les Redmen de McGill. Donc, on va avoir plusieurs matchs en semaine lors de la partie hivernale du calendrier. Mm-hmm. Donc, pour ceux qui... ça intéresse d'aller voir du hockey, ben il va y avoir beaucoup de hockey en semaine. Vous n'êtes pas libre de la fin de semaine, déjà, vous allez au moins pouvoir aller en voir la semaine. Je sais qu'il y a beaucoup d'étudiants, moi le premier, qui travaillent la fin de semaine, donc ils ne sont pas toujours disponibles. Ou qui retournent dans leur région, des trucs aussi. Comme ça. Aussi. Et là, ce qui est le fun, c'est que l'AGE, QTR et les Patriotes font affaire ensemble et offrent des navettes pour pouvoir aller voir ces matchs-là le mercredi soir. Il y a des tailgates à la Chasse-Galerie avant, donc on encourage vraiment le monde à y aller. Et dans ces quatre matchs-là, en fait, le 17 et le 24, c'est des match de carnaval. Ah oui, bon, ça va être rempli, ça. C'est ça. Donc, on va avoir 1000-quelques personnes, probablement. Ça serait le fun de battre le record qu'on a... Hey, tu vas la retenir longtemps, celle-là, les 2500... 2474. 2500. Hein? Du prix du bureau.com. C'est assez impressionnant, c'est ça. 2400... c'est pas 74. Oui, 74, t'as raison. Je connais tes chiffres mieux que moi. Dans ma tête, j'avais 77. Ah! Voilà. Bon, un petit peu de dyslexie mathématique. Oui, voilà. Discalculé qu'on dit. Oui, je savais même. Même je pensais que les gens comprendraient pas, tu sais. Fait que, hein? Menteur. Menteur, je sais. Donc, pour les prochains matchs au niveau du volleyball féminin Division 2, ça aura lieu le 19 janvier pour les Patriotes. Ça aura lieu à Lucar. Et du côté du soccer intérieur, eh bien, la saison débute le 14 janvier. Les Patriotes qui, eux, débuteront leur saison le 21 janvier. Donc, les différents horaires, les différentes saisons sont arrêtés pour quelques temps. Ça va être un repos quand même bien mérité. Ben oui. Et faut quand même faire ses travaux de fin de session pour la natation. C'est le 2 février pour la prochaine compétition. Parfait, ça. Donc, on va passer. Il n'y a pas beaucoup de temps, mais j'ai pas beaucoup de sport aujourd'hui. Non, mais ça nous donne du temps pour parler de... Olympique! Sport olympique. Ben oui. Parce qu'à chaque semaine, à chaque fois qu'on se rencontre, tu nous parles de sport olympique qui va avoir lieu devant public en février 2018. Oui, exact. Et tu te souviens où ont lieu les Jeux olympiques d'hiver? Pyeongchang. Oui, et c'est où ça? C'est en Corée du Sud. T'étais mieux de pas dire du Nord. Non, c'est ça. Pas sûr que ça aurait eu lieu. J'ai réfléchi un petit peu, là. Un petit peu. Ouais. Un petit peu. Donc, depuis le début de cette chronique-là, j'ai parlé de beaucoup de ski, en ouais, fait. J'ai parlé vraiment. De ski de fond, ski alpin, combiné nordique, il y a encore du ski, saut à ski, ski, ski, ski, ski. Ouais, ouais. Ben, il n'y a plus de ski à parler. Il n'y a plus de tout ski, genre, c'est des restants de ski, du tout ski. Non, il n'y a plus de ski. La semaine dernière, on a parlé de triathlon, je pense. Hein? Non, de combiné nordique. J'étais pas là la semaine passée, c'est ça? J'étais là. T'étais là, c'est là deux semaines. Ah, excuse-moi. Aïe. Mais on va quand même parler d'un sport de glisse parce qu'il reste un sport de glisse, c'est le snowboard. Oh, ah oui, ben oui. C'est le sport de la neige, ça aussi, tu sais. Oui. Ben oui, mais en fait, pour que le sport soit accessible, ait accès aux Jeux olympiques d'hiver, il y a deux conditions. Ben, faut qu'il respecte une des deux conditions. Soit c'est un sport qui joue sur la neige ou un sport qui joue sur la glace. Mm-hmm. Oui. Parce que si tu regardes en Europe, le soccer, ça se joue en hiver. Le basketball, ça se joue tout en hiver. Ouais, mais c'est pas un sport hivernal. C'est ça, c'est exactement ça. Ça rentre pas dans la définition olympique d'un sport d'hiver. Les sports d'hiver... C'est ça, il faut mettre des limites à un moment donné. Hein? C'est ça. Bon. Puis, tu sais, avec le temps, il y a plusieurs sports qui sont venus, qui ont disparu. On a juste à penser qu'il y a déjà eu du ski artistique. Mm-hmm. C'est comme du patinage artistique, mais en ski. Avec une petite chanson de Céline Dion derrière, peut-être? Pratiquement, là. Pratiquement. Mais c'est assez spécial à voir... à ce niveau-là. Ah, c'est intéressant, ça, quand même. Pour vrai, c'est spécial à voir qu'est-ce que tu peux faire sur des skis en utilisant tes je sais pas le terme français, mais les pôles, là. Mm-hmm. Les bâtons. Hein? Les bâtons. Ouais, les bâtons, mais il me semble que j'avais un autre terme que bâton, mais... Tes perches. Je sais pas. Peut-être. Je sais pas. Tu sais, c'est de voir comment tu utilisais ça pour te propulser dans les airs ou tout ça. Ouais. C'est un sport qui est intéressant. Mais si t'amènes le sport électronique, les e-sports, dans les Jeux olympiques d'été, alors que c'est pas, dans le fond, un sport estival du tout... Est-ce que tu vas avoir une version hivernale des sports électroniques? Est-ce que ça joue sur la glace ou de la neige? Potentiellement, pourquoi pas? Est-ce que tu es assis sur de la glace ou de la neige sur ta chaise? Pourquoi pas? Non. En tout cas, non, ça joue pas dehors sur de la glace ou de la neige. Ben, c'est pas un sport estival non plus, tu sais. Hein? C'est pas un sport en soi. Oh, encore une autre controverse. C'est pas un sport en soi, c'est un e-sport, mais c'est pas un sport. En tout cas. C'est différent. Et si vous voulez en savoir plus, écoutez-nous le jeudi matin. On en parle de temps en temps. Un beau petit débat, ça. Hein? Oui. Donc, niveau du snowboard, c'est une discipline qui, quand même, englobe beaucoup d'épreuves. Mm-hmm. L'épreuve la plus connue, la plus ancienne aux Olympiques, c'est la half-pipe. Mm-hmm. La half-pipe, c'est une des plus populaires au niveau snowboard. Les boarders vont aller... Bon, c'est dans une demi-lune, là, half-pipe, ça le dit. Et ils vont essayer de faire des figures dans les airs pour impressionner les juges. Ils vont pouvoir faire 5, 6, dépendamment, 7 figures dans toute la descente. Et justement, c'est d'essayer d'impressionner de plus en plus les juges. Et depuis l'avènement des X Games, bien, ce genre d'épreuve-là, le half-pipe, va chercher des figures encore plus difficiles, des figures qui sont... complètement folle. Qui ont l'air physiquement impossible, mais qui sont finalement possibles. Oui, puis ils vont chercher des hauteurs qui sont vraiment hautes. Là. T'sais, ils vont vraiment haut. Ils vont chercher une dizaine de mètres facilement dans les airs. Juste avec le ballon de la demi-lune, ils sont capables d'aller chercher assez de vitesse pour monter puis aller chercher une dizaine de mètres dans les airs parfois. C'est assez impressionnant. Ça demande beaucoup de qualité athlétique. Parce que sinon, tu serais pas capable de faire des sauts, des vrilles dans les airs. Et juste savoir, tu sais, quand tu fais trois tours sur toi-même, il faut que tu atterrisses après ça, il faut que tu aies vraiment un bon contrôle de toi dans l'espace. Et toujours savoir où tu es rendu dans les airs ouais. Pour pouvoir atterrir comme il faut. Parce que si tu te perds deux secondes, ben des fois, c'est de deux secondes que tu fais « Oups, je viens de me tomber sur la tête. » Mm. Puis on en a vu là, du monde qui sont tombés, pas nécessairement sur leur planche, mais... sur la tête, tout ça. Puis c'est pas juste arrivé en snowboard, là, on l'a vu dans d'autres compétitions, les X Games. Je me souviens, tu sais, dans le Big Air Jump où il y a mm-hmm. un saut, il y en a un moment donné, il est complètement parti, puis il a fait une chute d'une trentaine de mètres wow. facilement. Puis ils ont pas tous les le gros buisson de cheveux comme Shaun White pour attirer. Non, c'est ça, exactement. Calmer leur chute. Mon Dieu, Mathieu connaît Shaun White. Faites une croix à ses calendriers. Arrête donc. Donc, persection. C'est assez impressionnant. Donc, ça, c'est l'épreuve qui est la plus connue. Dans le même style, c'est une épreuve qui est rentrée à Sochi qui n'avait pas lieu avant. C'est le slopestyle. Ça, c'est un peu semblable dans le sens que c'est quelque chose avec du style, des sauts, tout ça. Ils ont un parcours où ils vont avoir des rails, quelques petits sauts, et à la fin, ils ont deux ou trois gros sauts où ils doivent faire le plus de sauts possible. Ça aussi, c'est jugé. Donc, ça donne quand même un bon show. Là. C'est assez impressionnant de voir ce genre d'épreuve-là. Donc ça, Halfpipe Slopestyle, c'est deux épreuves pour ceux qui sont vraiment amateurs de big air, de figure dans les airs, de ce qu'on peut faire en saut. Tu sais, ceux qui aiment aller dans les snowparks là, puis voir ce qui se fait, c'est vraiment votre genre d'épreuve. Sinon, les autres épreuves qu'il y a, on a le snowboard cross. Ça, c'est un peu comme le ski cross, mais en snowboard. Ils mettent ça dans snowboard acrobatique. Ça n'en est pas tant, là, mais c'est une course à 4, 6, dépendamment de l'épreuve. Aux Olympiques, souvent, on va avoir plus 4. Aux X Games, on va avoir plus 6. Ça dépend vraiment de l'épreuve. Et là, les coureurs sont pitchés sur une piste et doivent faire la piste. Un peu comme, j'en ai parlé, là, le Ice Cross Downhill, le Red Bull Crash Ice. Ouais. Au début, ils ont des qualifications, le meilleur temps. Par la suite, c'est des courses à 4. Donc, ça amène une dynamique qui est complètement différente parce que, veux pas, ils peuvent se toucher, ils savent où il est l'autre. Donc, ils peuvent essayer de pousser un peu plus... essayer de rattraper. C'est pas comme si tu jouais contre la montre où il y a juste toi contre la montre. C'est toi contre les autres concurrents. Donc, ça amène une dimension qui est complètement différente de juste un contre la montre comme le ski alpin. Ou, Sinon, aussi, toujours en course, on a le slalom parallèle chez les hommes. En fait, il y a le slalom géant parallèle et le slalom parallèle. C'est à peu près la même épreuve. C'est juste qu'il y en a un qui a plus de longueur. Ça, c'est là pour ceux qui connaissent peut-être le nom Jesse J. Anderson. Non. Ouais, ça me dit quoi, ça? Ça, c'était un des grands espoirs de médaille dans le temps du Canada. Là. Il a pris sa retraite. Mais il est bleu, là, moi, c'est ça. Il a au-dessus de 40 ans. Il avait essayé un retour pour tester ses boards, en fait. Lui, il voulait même plus faire la compétition pour la compétition. Il était là pour essayer ses planches à neige qu'il fabriquait. C'est assez drôle. Mais ça aussi, c'est une épreuve qui est très, très intéressante. Les deux concurrents, là, ça fonctionne en tournoi, demi-finale, quart de finale, tout ça, un contre un. Les deux partent d'en haut. Ils ont un parcours en slalom. Puis c'est le premier qui arrive en bas. Contrairement au snowboard cross, ils peuvent pas se toucher, ils passent pas proche, ils ont chacun leur piste. Mais tu vois les deux descendre en même temps, c'est assez impressionnant. C'est une des épreuves les plus impressionnantes à voir aux Jeux Olympiques. Cool! On a beaucoup de choses à surveiller, hein? Oui, clairement, cette semaine-là, il va falloir écouter les Jeux Olympiques. Deux semaines. C'est en février, vous l'avez dit plusieurs fois, c'est ça? C'est ça, février. Cool. On surveille ça. Merci beaucoup, Marc-Olivier Nduguma, de nous éduquer comme ça sur ces sports des Jeux Olympiques. Ça me fait plaisir. Et les sports locaux, on te retrouve toutes les semaines. C'est les mardis matins à partir de 9h30, lorsqu'il n'y a pas d'éolienne sur l'autoroute. Oui, exactement. Sinon, 10 minutes plus tard, puis ça fait. C'est ça. On t'écoute aussi à ton émission Patriote en action les jeudis matins à partir de 11h. Exact. Voilà. Merci Marc-Olivier Dubin. Merci aussi à Jimmy Thibaudeau pour sa chronique Gauchère Bévue. À Gabriel, ben voyons, Dominique. Oui, notre Mavungu. Exactement. Pour Voix d'Afrique. Merci à toi, Tania Baudin. Merci à toi, Mathieu Plante. Demain, émission mercredi, c'est notre grosse journée, la journée la plus chargée où on parlera pas bien à part pour faire des blagues. Non, c'est ça, exactement. On a Sébastien Vigartin à 7h05 environ pour sa chronique du but de Tagartin. À 8h, Alex Marchand avec Dans ma tête. À 8h30, c'est confirmé, la chronique du Zone Campus va avoir lieu avec David Ferron. Bon, parfait, on aime ça. À 9h, dans les coulisses de la Luitre. À 9h30, on va voir, ça se pourrait que Marc Lachance ne soit pas avec nous. Ah, oh, tristesse. Bon, on vous tient au courant. C'est demain entre 7h et 10h. Sur nos ondes plus tard aujourd'hui, quelle belle journée avons-nous devant nous. Ah oui? À partir de midi, c'est la rediffusion de Rock de Neurone. À 15h, c'est Dans ta face. 16h, les pas sortables. 19h, réanimation avec du métal et de l'horreur. Et à 21h, hein? Matière noire. Avec Marc-Olivier et ses amis. C'est du métal progressif. Et donc, c'est ce soir sur nos ondes. Cif.ca, assemblagerockey.com. À demain, 7h. Juste une dernière chose, c'est la dernière émission régulière de Matière noire. Après ça, c'est notre top 25 de l'année. Oh, chic! On aime ça! À demain, 7h. Bon café, tout le monde! Ouais.